L'émission Hors-jeu vous est présentée par le Dans les coulisses.com. Le Dans les coulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit une nouvelle, le Dans les coulisses.com. Et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daportfolio.com. Il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission Hors-jeu débute avec vos animateurs, JB Gagné et Jerry Godbout. Bienvenue tout le monde dans Hors-jeu, un nouvel épisode en temps de crise. Le Canadien survivra-t-il? C'est mal. Un film d'horreur. Ouais, le Canadien 2015-2016, tragédie. Et on déjà, à l'affiche. Ouais. On va en parler en long et en large. Mon nom est JB Gagné, l'animateur de ce beau podcast. Et avec moi, mon comparse de toujours, Jerry Godbout. Salut JB. Et aussi... on a avec nous Yann Dupuis. Hey, salut! Qui est rendu un régulier. On va se le dire, là. T'es full patch. Oh, nice! Écrit, il va falloir que je change mon Twitter d'abord. Et j'ai marqué pas... prospect. Ouais, prospect. On t'a bien développé, puis là, t'es full patch. Et non pas full patcherity, hein? Parce qu'on préfère la qualité. Oh, snap! Tout en partant. On fera pas comme avec Daniel Carr, on va te garder avec le grand club. Exactement. Oh. Disons autres ceux qui fonctionnent, on les garde en haut. Nous sommes le 21 janvier 2016. Je dis la date parce que c'est important. On vient de vivre un point de presse de Marc Bergevin. Il vient de signaler son... il est 100%, il est all-in avec son coaching staff et avec ses joueurs. Et on est en plein milieu d'une tempête qui ne cesse de cesser. Ça n'arrête pas de pas finir. On va avoir plein d'affaires. Plein d'affaires. Merci les auditeurs d'être avec nous pour le show d'aujourd'hui. Il y en a-t-il un qui veut commencer? Il y en a-t-il un qui veut lancer un sujet, la discussion, pour décoller ça sur les chapeaux de roue de ce show-là comme jamais? Ben, en fait, moi, je vais faire une petite pause à Jerry parce que je regarde une photo en ce moment et... Vas-y. Ouais, tu disais quoi sur Yeri Sekash? Yerjé? Ouais, ben c'est j'ai été voir ses stats parce qu'il a été échangé aujourd'hui à Chicago. Puis j'ai été voir sur HockeyDB pour voir les statistiques. Belle petite photo. Il a l'air de... Ça a l'air d'être un mugshot. Fait que je trouve ça très drôle parce que tu regardes ça puis... C'est juste ça, en fait. Pour vrai, là, il y a pas de développement. C'est... Ouais, moi, je fais une prémisse de feu. Je parle de tragédie chez le Canadien de Montréal. Et toi, vous nous décollez ça avec une photo de Jerry Sekash. Merci, les boys. C'est cool. On patine dans le même sens. Hein? Non, mais quand même, ça vaut la peine d'aller voir la photo parce qu'il y a des chiffres en dessous qui sont assez intéressants. Quand même, seulement depuis qu'il a été échangé aux Ducks, il y a seulement 3 buts, 7 passes. C'est assez incroyable que tu sais, on puisse quand même bâcher un petit peu Devontae Smith-Pelly. Surtout que si, mettons, on va voir les stats de Devontae Smith-Pelly, c'est peut-être pas super bon non plus. Je te fais ça live. Avec le Canadien, ça doit pas être écœurant. Là. Ouais, mais quand même, là, on a 3 buts, 7 passes à battre avec le Canadien. On a 4 buts et 7 passes de la part de Smith-Pelly. On a gagné le trade, on peut se dire. Là. On a gagné ce trade-là. Oh la palette. Non, on a et le côté voilà. Physique. Ah, écoute, ben ouais. Même on disait ça. Il est rentré dans le dernier match, puis c'est cool, il va amener une présence physique. Une mise en échec. Ouais. Ok, puis là, je vous en lâche un autre, par exemple, on va peut-être retomber sur terre, là, mais est-ce que vous prendriez Garbutt ou Smith-Pelly? Ah. Moi, je suis en train de le taper là, pour aller voir ça. Ouais, c'est ça, j'entendais. Je ne sais pas, pour vrai. Ben, il y a une couple de gros joueurs dernièrement qui ont passé en plus au balotage. Puis il y a tout le temps la il y a tout le temps quelqu'un qui me dit « Hey, toi, tu l'aurais-tu pris? » Tu sais, c'est pas parce qu'il est gros. So, en plus, Garbutt, c'est le genre de gros format que tout le monde aimerait bien avoir à Montréal. Ben, c'est un 6 pieds, 195 livres. C'est une shape là, standard. Là, c'est pour... Mais ça peut être un joueur dur quand même. Ouais, OK. Ben, d'abord, il est reconnu pour un jeu dur. Il y a 30 ans. Non. Il y a 30 ans. C'est sûr que... Moi, je l'aurais pas pris. Cette année, il fait rien pour vrai. Non, t'es assez tranquille, là. Tu sais, oui, OK, il y a eu des statistiques correctes avec les Stars dans les deux dernières années. Ouais, il y a eu une saison, entre autres, de 32 points, tu sais, pour un gars qui joue ça à 3 ou 4, là. Ce qui est bien. C'est surtout 17 buts qui... Mais non, pour répondre à ta question, non, je l'aurais pas vraiment pris. Là. Ben, regarde, la seule affaire qu'on peut voir, là, c'est que les Blackhawks de Chicago se sont prémunis d'un joueur, donc c'est la dernière année de contrat, comparativement à Garbutt qui reste une autre année. C'est la seule affaire que je vois. Ils ont des salaires semblables, des stats semblables, puis ils viennent pas de s'améliorer offensivement là, avec Jerry. Là, hein? Avec ce Jerry-là, là, t'es pas plus armé. Là. Fait que, ben, non, c'est à la limite un trade de Ligue américaine. Puis je pense même que Cash va se retrouver dans la KHL l'année prochaine. Il va retourner là. Peut-être. Mais, tu sais, il reste un année de contrat dans la Ligue nationale à 900 000. Est-ce qu'il va avoir mieux dans KHL? Est-ce que ça vaut la peine de briser son contrat? Je ne sais pas. Puis, de toute façon, c'est pas ça qui est important dans ce show-là. Parlez-moi du Canadien. Je veux qu'on commence. On commence avec la marde, puis on finit avec l'autre marde. Ouais, c'est ça. C'est de plus en plus bouseux, notre affaire. Là. Ouais, non, en fait, moi, je voulais juste revenir sur une affaire parce que j'ai réécouté. Je voulais savoir dès qu'on avait parlé au dernier show, puis je m'en souvenais plus. Le dernier show qu'on a enregistré, c'était avant que John Scott atterrisse à Montréal. Oui. Honnêtement, Yann avait proposé quelque chose, puis j'ai lancé à la blague qu'on devrait aller chercher John Scott. Oui, Chris, m'en veux. Pour vrai, je m'en veux. Fait que là, ce qu'il faut dire, c'est que dans le prochain show, on ne fait que des bonnes recommandations, s'il vous plaît. OK? On fait attention de ne pas trop dire de la merde. Ok, je vais arrêter, mais... Fait que c'est de notre faute. Moi, je suis là et je plantais Bergevin pour ça, mais c'est de notre faute. On y avait soufflé à l'oreille. Faut arrêter d'écouter les émissions de radio avec des gars qui se disent qu'ils ont joué la game et qu'ils connaissent ça. Non? Retournez-vous vers des gars comme nous autres qui sont dans les ligues de garage et qui ont juste la checké à la TV, la game. C'est avec ton argument de Cam Ward du dernier show. Ouais, exactement. On devrait être bon. OK, bon. On parle des vraies affaires. Les vraies affaires. Je vais y aller dans l'ordre chronologique en termes de points de presse. Michel Therrien, après la game de mardi soir, défaite contre les Bruins de Boston, défaite très difficile sur le moral des troupes, il a été d'un point de presse, je dirais émotif. Il a parlé d'André Markov en disant que personne ne pouvait huer ce gars-là après tout ce qu'il a fait pour l'équipe. Et il a aussi dit que parfois, à son âge, le corps ne suivait plus l'esprit. Et ça m'inquiète un peu. Et ensuite, il a dit « Personne ne peut critiquer l'effort de ses joueurs, de ses troupes. » Et donc, il a envoyé un gros vote de confiance envers son équipe. Ma question est, c'était-tu de la poudre aux yeux? Est-ce que c'était pour sauver sa job ou vraiment il est satisfait de son équipe? Ben, je commence. Vas-y, c'est bon. Ouais. Ben, écoute, là, dans le cas de Markov, là... Markov... Écoute, Michel, là, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai l'impression qu'il a plutôt nuit à Markov. Là. C'est peut-être ma vision des choses. Mais j'ai cette impression-là aussi. Hein? Si, advenant le cas, on va dire, bon, OK, Markov, il est vieux, mais vous avez fait une mauvaise évaluation parce que vous le voyez venir, puis vous le payez encore combien? 5 millions par année, quelque chose comme? 5,5, si je me trompe. Pour combien d'années encore? Il reste 2 ans. Il reste 2 ans. Inclus. Et là, et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu lui fais jouer sa troisième paire de défense à ce prix-là? Là, tu te prives de talent. En tout cas, moi, j'ai l'impression que même si tu veux l'échanger, là, on a avoué, on a mis carte sur table, les Canadiens pensent qu'il est trop vieux pour jouer, fait qu'il a été pris avec. Fait que je pense pas que ça l'a aidé. Non, mais tu penses pas que tu vas être pris avec si, mettons, dernière année de son contrat, quelqu'un, une équipe qui veut aller chercher... un vétéran pour les aider en série, puis le Canadien fait un accord, va payer 50-50 le salaire qui reste, il devient un attrait. Mais puis pour le reste, est-ce que ça glace Markov? Peut-être, c'est vrai, il parle pas français, puis il parle pas non plus ben anglais, you know. Je pense que Markov va faire comme, ouais, mon coach, il croit plus ben en moi, hein. Je vais peut-être voir moins de glace, là. Honnêtement, je pense pas que c'est un « je crois moins en Markov ». Je pense que c'est plus... Ben, honnêtement, moi, pour dire, je suis 50-50 avec le point de presse à Michel Therrien, parce que j'ai adoré le fait que ce n'était pas une vieille cassette qui nous a joué à la ah, l'autre équipe était meilleure, ah, s'il manque d'opportunité. C'était quelque chose de nouveau, puis il était émotif dans le sens, ok, là, je suis allé en tabarouette, lâcher mes joueurs. Ça, j'ai aimé ça. Je suis d'accord avec tout comme pour dire que, pas que tirer dans le pied à Markov, mais c'est un peu ça, mais en même temps. Ok, Markov en a donné pour le club. Ok, Markov, un IQ hockey très haut. Mais il n'y a pas tort dans le sens que le gars suit un peu moins la game. Je pense que une game sur deux pourrait ne pas la jouer, puis ça serait quasiment bénéfique pour lui et pour le club. Surtout avec les jeunes qui poussent. Mais en même temps, le gars a clairement encore une valeur. Oui, ok, peut-être pour un club, exemple. Pas mal sûr, même cette année, même s'il reste une année à l'année prochaine, le gars peut se faire échanger facilement une équipe qui s'en va en série. Je vais te nommer un club qui pourrait être intéressé par Markov cette année. Bon, c'est sûr qu'ils ont déjà une vieille croûte comme Campbell, là, mais les Panthers, ça pourrait être intéressant d'aller chercher un gars comme Markov. Ouais. Effectivement. Surtout qu'eux autres, cette année, sont surprenants. Qui arrivent en série, ils vont vouloir arriver justement avec de l'expérience. Tu sais, même Markov, là, je veux dire, c'est un gars qui reste très calme, puis qui dégage un certain calme, puis ça doit comme apaiser les autres joueurs. Ok, il a fait des erreurs de merde, solides, merde. Je peux-tu embarquer là, sur les erreurs de merde, ok? Therrien dit que parfois, certains soirs, ben tu sais, le gars il est usé, hein, pis tu sais, son corps suit plus l'esprit. Qui dit à Markov d'embarquer sa glace? Qui l'envoie jouer 22 minutes 45 quand il y a une soirée super pénible? Ouais, qui l'envoie sur le power play? Qui l'envoie au short end quand on est en désavantage numérique? Qui l'envoie sa glace quand on est en avantage numérique? Qui l'envoie aussi en 3 contre 3? Ouais, c'est ça. Qui, hein? Ouais, on parle du même gars, là. On parle tous du même gars. Toutes les situations, c'est tout le même gars. Enlevez-les de sa glace, bâtard. Vous le voyez aller. Vous voyez que ça fonctionne pas. Donc, ouais, mais là, c'est l'autre affaire que j'aime un peu moins. C'est s'il fait ça, Markov va bouder. Tu veux pas que Markov boude? Ok, je préfère que Markov boude. Je suis totalement d'accord. Le fait que 21 273 spectateurs se fassent vendre des tickets à plus de 100$ chacun, même dans le pit, pour aller voir une équipe se faire défoncer 4-1. Ouais, je suis totalement d'accord. Suite à facile deux gaffes monumentales du joueur en question qui pourrait bouder. Mais c'est crève-cœur, ce sport-là. Puis je pense que c'est le même avec toutes les entreprises, mais c'est parce que les joueurs sont considérés comme des entreprises individuelles. Puis on est content, on est satisfait d'eux quand que ça va bien, quand que ça va mal, puis que ça commence à jouer sur des performances et mettons le côté économique, parce que là, à force de perdre, il peut arriver des problèmes économiques. Exemple, on fait pas les séries. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu mettes ça de côté, qu'il boude ou pas, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. S'il faut que tu fasses un changement, faut pas que tu t'en prives. Ah, mais ça, c'est sûr que ça, c'est un défaut de Michel Therrien. Le fait qu'il veut trop gâter ses vétérans, qu'il veut trop... Mais en même temps, gars, ça vient de se faire sauver sa job. Il y a ses joueurs en arrière de lui, là, même si tout va mal, puis le DG a pas le choix de le garder, tu sais. Ouais, en même temps, là, je pense que avec la sortie de Marc Bergevin, honnêtement, là, je m'attends à voir plus de gars benchés. c'est un feeling que j'ai, là. Peut-être qu'il le fera pas. Mais on dirait que je me dis, le stress, là, en ce moment, là, le coach en a beaucoup moins. Les joueurs en ont moins parce que Therrien pis Bergevin, il a fait de garde. Wow, là, c'est statu quo pis tout. Même si j'aime un peu moins l'idée d'être statu quo, ça doit quand même aider les jeunes, les plus vieux, tous les joueurs, les coachs, ça doit être vraiment moins stressé. Même si le 3/4 du temps, quand t'as un vote de confiance, c'était proche de la porte. Là. Mais j'ai cru, tu sais, j'ai cru dans le fond un peu à Michel Therrien quand il était comme intense sur le lâcher mes joueurs. C'est sûr qu'il y a des affaires qui sont peut-être moins bien sorties, mais c'est comme n'importe qui, tu sais, qui va. Check Souban, le pas long, qui pète une coche, ça a mal sorti, puis on a fait un gros ton de merde avec ça, tu sais. C'est un peu ça, puis en même temps aussi avec les médias d'aujourd'hui, tu dis une affaire, c'est pas que c'est mal cité, mais tu sais, comme Michel Therrien, là, après sa sortie, là, c'était comme, ah, ouais, mais il a pas le droit de dire ça, puis, ouais, mais wow, relax, le gars, ils viennent de perdre encore, ça fait, quoi, ils ont eu 4 victoires en 21 games, là. Je pense qu'à un moment donné, ça doit jouer sur le moral, autant sur le coach que le DG, que toutes les personnes reliées à l'organisation du Canadien. Fait que c'est un peu genre relax, là. Mais bon. Ensuite, Therrien, il a parlé de l'effort de ses joueurs, que personne n'avait le droit de critiquer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le fait qu'ils disent qu'il n'y a personne qui a un mot à dire contre Markov, puis personne n'a un mot à dire contre l'effort des joueurs. Y a-tu quelque chose qui m'a échappé, mais il l'a seulement dit en français. Dans le fond, il a parlé à toutes ses chums, là, de l'antichambre, les journalistes. Là, là je veux pas entendre personne. Asti, allumé, là, Michel Therrien, il est chummy avec tout le monde. Fait ben oui, que, il était sur le plateau, tu sais, avant. Il travaillait là, là. C'est vrai, il critiquait Carbonneau avant, mais il critiquait pas Vrimbin, c'était son chum aussi. En tout cas, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et hey, puis, je fais un encore là, avec la relation entre journalistes et gens de la business de hockey. Là. Cette semaine, tu as René Angélil qui est décédé et l'information comme quoi René Angélil avait essayé d'acheter le Canadien de Montréal au moment où est-ce que M. Gillette s'en est porté acquéreur. C'est informé, blablabla. Bla, bla. C'est Rinfret, c'est le nom de famille, là, le vieux journaliste, là. Pichou Rinfret, ouais. Ouais, Pichou Rinfret qui confirme ça dans les médias. Comment ça que c'était une rumeur depuis 15 ans, puis que lui, il le savait, puis il était au courant, puis il l'a pas sorti dans les médias? C'est moi où je suis le seul qui a allumé sur le fait qu'il y a un journaliste payé pour sortir de l'information, qui est payé pour informer la population, qui n'a pas sorti une information de cette ampleur-là? Ben, tu sais, je vais te répondre en disant, lancez compte, là. Ouais. Ça a été écrit avec. C'est pas de la créativité de Réjean Tremblay, ça, hein? Ça vient pas de sa tête, ça, j'imagine. C'est un beau hasard. Ouais, ça, je voulais dire. Ah, j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère avec ça. Mais le point est que. Je reviens sur le point de presse de Michel Therrien, c'est. Depuis quand le monde a plus le droit de se plaindre? Non, ça, c'est câble. Puis j'ai vu des journalistes te défendre en disant « Ben ouais, mais quand tu vas voir une pièce de théâtre ou un band de musique, t'es pas en train de huer. Ben, je te fais remarquer que Guitar Hero nouveau, là, le Rock Band Tour, si t'es pas bon, il t'a eu, tu sais. Oui, ça existe. Puis au prix qu'il paye... Non, ça, je trouve ça un peu calme. Là. Les joueurs ont le droit de huer. Les partisans, tu veux dire, ont le droit de huer, ouais. Ah, même les joueurs doivent huer. Mais... non, mais je comprends totalement, mais en même temps, en étant de son côté, je veux dire, c'est juste comme. C'est vraiment un appel au calme, je pense. Genre, arrêter de huer tout, mais ils ont totalement le droit de huer. Pis... Mais ça fait pas avancer rien. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais au prix que tu payes, t'as le droit de. Quand c'est possible, oui, mais ça fait pas avancer. Pis... Ça fait pas avancer rien, excuse-moi de m'immiscer dans ton commentaire, là, mais. Ça fait perdre la face un peu aux Canadiens parce que live à télé, le monde qui paye leur billet pour aller voir, il est eu. Puis moi, je suis tellement d'accord avec vous autres. Tu sais, comme Éric Desjardins a fait une entrevue à radio cette semaine, il a dit là, je trouve pas ça correct, c'est cheap de huer puis d'aller au Centre Bell. Il dit l'argent, ça te donne pas. Le fait d'avoir payé ton billet, ça te donne pas le droit de faire ça. Mais ça venant d'un gars qui paye probablement pas ses billets, puis que même s'il les payait, il ne se saignait pas à blanc pour pouvoir se payer deux paires d'étiquettes. ça n'a aucune valeur, ce commentaire-là. Ben non, c'est ça. Ouais, mais en fait, les joueurs, ils connaissent pas le vrai problème du fait que toi, tu prends ta journée. Puis mettons, là, tu es un gars de Victo, je dis ça de même, sans voir le Canadien mardi soir. Par la game est à 7h. Par hasard, je prends quasiment l'après-midi off pour me rendre à temps. Là, je mange là-bas, je paye mon parking, je me sors de là, plus les billets, je m'en retourne, j'arrive chez nous genre à minuit à peu près dans ce coin-là, je me lève tôt le matin. Pour... Hey, j'ai sacrifié la semaine à me rendre dedans juste pour ça. En plus, il faut que tu mettes ta maison en vente pour tout le processus. Là. Mais si tu achètes deux billets, j'ai pas claqué. Ouais. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est plus aussi le côté humain. Tu sais, c'est le côté humain de la chose. On s'entend que les joueurs, c'est des humains. Se faire ruer, ça doit rentrer dans le moral. Mais je le comprends, ça. Non, non, mais c'est ça. Puis je totalement... Moi, en fait, je suis d'accord pour le fait de huer. Là. Je sais, il y a certains... Tu sais, il y a des huées malsains, à un moment donné, quand c'est vraiment... Quand il y a de l'acharnement. Ouais, ben c'est ça. Exemple, le meilleur exemple qu'on a, c'est dans les dernières années, ça a été Patrice Brisebois. Ça, c'était de l'acharnement. Je veux bien là, qu'il n'était pas le meilleur, pis tout. Mais un moment donné... Mais là, par exemple, Markov, j'ai pas trouvé que c'était de l'acharnement. C'était juste comme, OK, là, ça fait 3 games qu'on perd à cause de toi. Puis c'est littéralement 3 games qu'on a perdu à cause de Markov. C'est un wake-up call, je pense. C'est un peu ça. Puis en même temps, je pense que les UA étaient pas tout le temps juste à Markov. Là. C'était à l'équipe au complet, là, un moment donné. Puis en plus... Je te rajouterais même, tu sais, tu dis huer un gars même pour le fun, pour rire de lui. Dans le junior, là, ça se voit, puis ben oui. JB, t'es bien placé pour le voir. Le monde eut des joueurs qui sont payés un salaire de crève fin, ben qui oui. sont encore au cégep, là, tu sais, qui ont 17-18 ans. Là. Non, ça c'est sûr, mais ça aussi, c'est dans le junior, des fois, il y a du monde qui vont là, puis ils ont besoin de cours de savoir-vivre. Donc, au niveau c'est de la Ligue nationale, je trouve que c'est plus normal de huer parce que justement tu payes le gros prix, tu veux que ton équipe performe, tu as un sentiment d'appartenance à ton équipe. Aux juniors, des fois, c'est juste des illuminés qui font genre j'ai le droit de huer des jeunes de 15 ans, relax le grand. Je veux dire, ça, c'est la pression, ils ont peut-être pas autant besoin de ça là. C'est censé être une ligue de développement. Ouais, en plus, c'est ça. Je veux dire, ça gagne ou ça perd, c'est pas trop grave là, dans le junior. Là. Non, mais c'est ça, tu sais, puis en tout cas, il y a des cas isolés comme ça, là, mais en général, c'est ça, tu sais. En gros, là, huer malsain, c'est pas bon, là, c'est comme vraiment viser des joueurs en particulier, mais huer, c'est normal, puis c'est un sentiment totalement humain, puis c'est juste une déception que tu veux que le monde sache, là, je sais. C'est normal, là, pour vrai. Ben oui. Faut juste pas ben, en faire un plat, là. Tu te fais huer par Jerry Godbout, tu dis « Ah, tabarnak, là, j'ai atteint quelque chose, faut que je me reprenne en main. » Mais tu te fais huer par Tidjo de Saint-Lin avec sa calotte des Nordiques, là, tu te fais « Ok, ferme ta gueule, là, tu connais rien. » Ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas le même impact. Mais je reviens encore au propos, c'est il dit « On peut pas questionner l'effort des joueurs. » Et ça dépend des games. Et moi, oui, c'est ça que je me suis dit. Y en a quelques-uns que je me dis, ouais, ok. Tu sais, un Gallagher, je questionnerai jamais son effort. Un Subban, non plus. Tu sais, il est 100% là. Un Condon, c'est dans le tapis. Là, il est à côté. Il est au maximum de ce qu'il peut faire, le petit bonhomme. Là. Mais il y en a d'autres que je me dis, ouais, je peux questionner. Tu sais, il y en a qui s'assoient sur des contrats de 7 millions. Là. Pas pire, oui. Pas pire, oui. Mais bon, on n'a pas le droit de questionner son... Moi, j'écoute Michel, pas le droit de questionner son effort. Non, fait que on va terminer ce show-là là-dessus, parce que ce n'est que ça du questionnement de performance, tu sais. Non, mais c'est un peu ça que je dis, c'est fermer toutes les lignes ouvertes, fermer toutes les choses sur le hockey, présenter un tableau avec les stats, puis c'est tout, là, tu sais. Ça a marché. Quand il a dit ça, tout le monde a fait « Bon, il a raison. » T'as-tu vu une analyse ostinée là-dessus? Non. J'ai vu François Gagnon. Ça, je dois le mentionner, parce que souvent, il est critiqué, mais là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que les gens ont le droit de critiquer la situation du Canadien, puis c'est vrai que c'est pas tous les joueurs que ça va bien, tu sais, qui donnent l'effort. Je suis totalement d'accord. Ça, ce qui est le fun avec François Gagnon, même si je tripe pas nécessairement à 100% sur lui, c'est le fait que c'est pas un fan des Canadiens. Ouais, il y a beaucoup de critiques là-dessus, justement, parce que c'est pas un fan du Canadien. Mais quand il parle du Canadien, au moins, c'est réaliste. Il est objectif. C'est comme un parent. C'est en plein, ça. C'est un parent qui parle de plein de joueurs dans son équipe à tombe 2B. Puis là, quand il arrive, il parle du sien. Mais techniquement, c'est le meilleur. C'est moins objectif. Ouais. Autre point de presse. Aujourd'hui, Marc Bergevin prend le micro. Et moi, j'en ai jasé un petit peu avec entre autres, un de mes chums qui est journaliste dans une radio de l'Outaouais. Payé par Cogeco. Faites le lien. Nomme-le, je ne sais pas de qui tu parles. Olivier Beauregard, qui est journaliste pour le 104.7, qui est une des radios du réseau que j'écoute. Ah, cool. Oui, qui est journaliste sportif pour la station. Et dans le fond, on se demandait qu'est-ce qu'il allait se dire dans ce point de presse-là, qu'est-ce qui était pour se passer. Et nous autres, on imaginait que Bergevin allait nous mentionner que Carey Price était out pour la saison, ou encore un vote de confiance pour Therrien, parce que... Tu sais, la population est trop derrière Therrien pour pouvoir le congédier. Ce serait pas un bon timing. Puis, de toute façon, il venait de l'aider dans la pratique du matin. Fait que ça fitait juste pas. Mais voici en gros ce qu'il nous a dit. Il dit, Bergevin, ce qu'il nous a dit, il dit « Toute la faute est sur moi. Tout ce qui se passe, c'est de ma faute. » Et aussi, et ça, j'ai trouvé ça particulier, les joueurs doivent arrêter de jouer pour ne pas perdre. Et encore une fois, la réponse est la même que tantôt quand on questionnait pour le temps de jeu de Markov. Qui fait les stratégies défensives du Canadien qui visent justement à ne pas perdre? Ouais, non, ben, continue, mais je l'ai pas pris comme ça. Continue. Ah ouais, moi je l'ai pris exactement de même. En quoi les joueurs du Canadien décident comment est-ce qu'ils vont jouer? Les stratégies, c'est le coaching staff qui les met en place. Et le Canadien de Montréal fait ce qu'on appelle du dump and chase. Donc, on envoie la rondelle dans le fond et on essaie de prendre les défenseurs à revers. Ou avec l'autre... des petits gars de 5 pieds 8, ouais, 170 livres. On voit que ça fonctionne pas super bien. Et l'autre option qu'on fait, c'est de crash the net. C'est quoi cette stratégie-là? C'est on s'en va au filet puis on fait des garbage goals. Comment on contre ça quand on est une équipe adverse? On fait une boîte en avant du filet, puis on garde les gars à l'extérieur de cette boîte-là. Et finalement, ben, t'es pas capable de te rendre parce que la rondelle est plus en possession des joueurs dans la zone payante. Puis on met des défenseurs de 6 pieds 6, 225 livres. Exactement. Le Lightning de Tampa Bay a clenché le Canadien en finale de conférence l'an passé, en deuxième ronde, pardonnez-moi. Avec cette stratégie-là, le temps qu'on s'adapte cette saison, les clubs font tout ça à cette heure. On fait une boîte en avant du net, comme si c'était en désavantage numérique, puis le tour est joué. Ces stratégies-là, c'est le coaching staff du Canadien de Montréal. Mais malgré ça... Attends un peu, laisse-moi finir. Oui, malgré je ça, bien, mais... on y a été d'un vote de confiance envers Michel Therrien et le coaching staff. C'est moi où je vois un problème entre ce que les babines de Bergevin disent puis la réalité, ça a de l'as. T'as raison, mais la stratégie défensive des équipes adverses de faire la boîte, ça score pas de but plus, là, tu sais. Mais ça explique là, pourquoi le Canadien en score pas des buts. Mais ça explique pourquoi il en score pas. T'as raison. Je vais laisser Jerry parler, mais... Non, mais en fait, c'est que lui aussi, je suis 50-50 parce que j'ai aimé comment il a parlé. Encore une fois, ça a été, mettons, plus moins émotif, là, si on veut, mais j'ai aimé le fait, par exemple, qu'il prenne la défense de tout son staff au complet, autant les joueurs que, tu sais, c'est de sa faute. Puis je pense, tu sais, il est pas câble, il est pas juste... Oui, il a dit ça pour calmer le jeu, mais je pense qu'il sait. Il a dit, OK, je pense qu'il faut déjà chercher quelqu'un. C'est sûr qu'il a sorti quelques petites cassettes en nous improvisant un petit discours, mais, tu sais, comme le fait de je peux pas faire les transactions, ça, j'ai eu de la misère quand il est ressorti, j'ai fait « OK, là, arrête, là, t'es capable d'en faire, c'est juste que tu veux rien donner pour aller chercher du bon stock. » C'est un défaut en soi, mais le côté qui dit « Je sacrifierai pas des jeunes pour avoir des joueurs de location », je suis quand même un peu d'accord, mais moi, la partie là où ce qu'il dit « qu'est-ce que tu dis dans le fond que les joueurs faut qu'ils arrêtent de jouer pour ne pas perdre là. Moi je pense que c'est plus une question mentale. Oui, t'as raison dans le sens que le Canadien joue un système de jeu qui est peut-être pas autant axé sur l'attaque, surtout quand t'as des francs-tireurs comme Pacioretty. Tu sais, il y a d'autres joueurs qui sont capables de la mettre dedans, il n'y a pas juste lui là. Puis je pense que justement, tu sais, dans le monde chiale sur Subban qui n'a pas assez de buts, je pense que ça a quand même rapport à ça là, justement le fait que le système de jeu est vraiment pas axé sur l'attaque. Mais je pense que c'est plus une question psychologique que Bergevin faisait allusion à ça. Là. C'est carrément... Tu sais, les joueurs ont l'air de jouer sur les talons. L'effort était là dans les dernières games. Sérieusement, Chicago, Saint-Louis, Chicago, là, on peut absolument rien. Même si la deuxième Chicago, on s'est fait planter comme 5-1, je pense. L'effort était quand même là. T'sais, tu vois que les joueurs voulaient jouer. Là. Ils se donnaient à fond. C'est juste ça marche pas. Tu vois que les gars, ils croient encore en Terrien. Ça, ben, c'est ça. Ça, c'est ça. On peut vraiment pas renier ça. Mais en même temps, comme je dis, c'est vraiment plus une question psychologique. C'est plus un... Arrêtez de jouer sur les talons. Faites juste genre... Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que Bergevin, là, il aurait juste arrêté, genre, de tout le temps essayer de trouver un... Tu sais, comme, c'est quasiment un have fun, puis gagner, tu sais. C'est pas un... Parce que là, j'ai vraiment l'impression que les joueurs, c'est... Ah, oh, tabarouette, ils sont encore perdus. Ah, maudit, j'ai encore fait l'erreur. Tu sais, chaque joueur, Markov, là, comme Boston, là, sérieusement, lui, il devrait manger une claque sur la gueule quand que. Tu sais, t'as vu que son jeu était comme pas clair, il repogne la rondelle à Condon. Genre, Condon aurait pu juste la geler, là la rondelle, puis ça aurait arrêté le jeu. Là. Il pogne la rondelle, il est même pas debout sur ses patins, comme il est comme penché tout croche. Il regaroche la rondelle par en avant. Quand clairement, je veux dire, les passes dans le centre du net, là, on apprend ça aux novices, là, je veux dire, tu fais pas ça. À la limite, on recule en arrière, t'étais libre, il y avait juste Talbot dans ta zone. Là, je veux dire. Puis il agaroche en avant sur la palette de. En tout cas, bref, il y a comme trop d'erreurs. T'es-tu en train de me dire que même le mental ne suit pas le physique de Markov? Ben, c'est pour ce jeu-là. C'est ce que Terrien a dit, là. Non, mais pour ce jeu-là, en tout cas, ça, c'était brouillon en tabarouette. Mais non, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment plus une question psychologique là, quand il disait ça. C'est jouer pour gagner, puis c'est normal, là, je veux dire, faut que t'aies ça. Non? Mais c'est pas tant, là, t'as raison de dire jouer pour gagner, faut que t'aies ça dans la tête là, quand tu commences une game de hockey. Mais c'est pas tant jouer pour pas perdre que jouer pour pas faire d'erreur. Si tu prévois ton jeu en fonction de je vais faire de quoi qui va être intelligent, qui fera pas d'erreur, qui mettra pas mon équipe dans le trouble, c'est pas nécessairement un jeu qui va te faire scorer un but. Beaucoup de buts, puis la majorité même des buts, vous allez voir, c'est des gars qui prennent des chances. Mais si les gars jouent tout comme Jacob de la Rose, puis qui font juste comme ok, je suis pris, je dompe, ou ok, fuck, je peux pas faire de passe là, je dompe. Tu sais, ça mènera nulle part. J'ai l'impression que les Canadiens ont dit un dump and chase, là, mais je pense que techniquement, là, c'est pas tous les trios qui ont la même mission offensive. Donc, c'est pas tous les trios qui doivent jouer dump and chase, mais on voit que c'est un échappatoire facile, ça, le dump and chase. Fait que probablement qu'ils sont pas capables de faire leur jeu parce qu'ils veulent juste pas faire d'erreur, puis ça finit comme ça. Ça fait qu'on écoule du temps, puis. À la limite, on est capable de contrôler le puck, mais on le contrôle dans les zones grises. Mais les zones grises, c'est rare que tu es capable de scorer un but collé sur la bande ou en arrière du net. Fait que t'as raison, JB, la stratégie des autres équipes, c'est clairement de bloquer la slot. Puis les joueurs des Canadiens sont pas capables de foncer au net. Tu sais, quand c'est ton Gallagher qui va au net puis qui mange des coups, t'as pas un gage de succès, en tout cas en théorie, là, vu que c'est pas le plus gros. Mais ça a quand même fait la job. Tu sais, il fait la job quand même. Ça devrait, à la limite, donner le goût à ceux qui sont plus gros de se rendre là. Mais c'est pas le cas. Fait que t'as raison. Vous avez raison, les deux. Mais je pense que c'est vraiment un système de jeu qui est à revoir là, du côté des Canadiens. Là, c'est clair. C'est beaucoup trop défensif. Il y a des joueurs dans l'équipe qui peuvent s'exprimer offensivement qui ne le font pas. Honnêtement, piquer Subban avec 3 buts, c'est pas normal. C'est pas normal, pas parce qu'il est pas capable. Sûrement qu'il se le fait demander de jouer défensif. Regarde, il joue avec Markov, qui commence à en arracher côté vitesse. Subban ne peut pas décider de rentrer dans la zone. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui fait que... Le dernier match, je sais pas si vous l'avez regardé, même si on a perdu, là... Sérieusement, Subban, moi je trouve qu'il est quand même très bien joué. Là. Oh, il a joué une crise de bonne game là, pour c'est vrai. Ça. Il a joué avec qui? Barberio. Non, mais oui, il a joué une bonne partie de la game avec Barberio qui, honnêtement, de plus en plus, j'aime Barberio. Il est capable de monter en avant, il est offensif, il est responsable défensivement. Peu importe où ce qui se place, on dirait que Subban a plus... Il y a plus de place, dans le fond. Il est capable de mieux bouger, de plus s'avancer parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un en arrière qui... Mais moi, je trouve qu'il patine quand même pas pire. Ouais, ben, puis il y a vitesse pour le suivre aussi. Ben, c'est en plein, ça. Tu sais, comme, ils ont déjà essayé avec Beaulieu. Il y avait des beaux flashs, mais je trouve honnêtement que les deux joueurs se ressemblent beaucoup trop pour pouvoir jouer ensemble. Tandis que Barberio, à date, on s'entend que j'ai une game. Je sais pas s'il jouerait tout le temps avec, qu'on remarquerait plus de défauts. À la limite, peut-être un Patrin aussi pourrait faire ça. Tu sais, la belle époque de Markov avec Georges, c'était ça. Là, t'avais le gars plus offensif, t'as le gars plus défensif. T'sais. Ça pourrait peut-être fonctionner. Ouais, ben, mais là, Georges et Patrin, c'est pas le même genre de joueur. C'est pas le même genre, mais. Je comprends ce qu'il veut dire par là, c'est Patterson, c'est un peu comme un Emlyn, mais plus rapide, avec plus d'aptitude offensive. Mais avec là, je suis capable de frapper. T'sais. C'est un défenseur qu'on appelle Stay-at-home, qui reste en. C'est le gars qui reste en défensive. Ben, c'est ça. Puis c'est ça que tu as besoin. Mais en même temps, Barberio, il est comme ça, mais il est capable d'aller en avant. Puis c'est ça qui est le fun, parce que des fois, il y a des flashs qui fait je vais aller en avant. Je vais supporter l'attaque. Je vais regarder la rondelle dans la zone. Puis c'est plaisant à voir. Puis ça donne plus d'options à l'attaque. Moi, je trouve. Parce que quand il était là, je trouvais que ça allait mieux. Ouais, il joue vraiment du bon hockey. Là, puis, mais c'est parce qu'ils font toutes des erreurs, tu vas me dire. Là, mais je trouvais que Barberio, dans sa zone, c'est compliqué. Il a misère à faire la sortie de zone. La première passe, elle n'est pas là. Puis, mais pour le reste, là, il va s'adapter. Là, c'est le calibre de la Ligue nationale. C'est un gars qui fait les matchs des étoiles l'un après l'autre dans la Ligue américaine. Fait que, tu sais, il est vraiment proche d'être un calibre NHL. Là. Ouais, puis en même temps, le gars, il est jeune. Il a 25 ans. Là. C'est pas un top 4. Ça peut être un bon top 6 en alternance avec le 7e. Puis, tu sais, moi, je trouve, en tout cas, personnellement, je le trouve quand même très correct. Là, comme joueur, c'est pas le gros joueur, mais il est capable de tirer son épingle du jeu. Tu sais, quand, mettons, Benjamin, il parlait de profondeur à défense, c'est le genre de joueur qui, justement, peut faire partie de ta profondeur. Pas comme d'autres joueurs qui servent à rien, même si t'es signé, parce que t'y verras jamais. Genre. Il y a plus d'impact, là, mettons. Ouais. Je reviens sur l'aspect stratégique. Là, on parlait de dump and chase, de crash de net, de terrien, puis il persiste et signe hein, en disant « faut rester dans le jeu simple, faut faire ça, c'est comme ça qu'on va gagner », le disant en conférence de presse. Il persiste et signe que sa méthode est la bonne. Pourtant, les joueurs suivent ça, puis ça fonctionne pas. Il y a des gars là, dans le junior là, qui sont en train de développer des trucs bien intéressants. Les Swimming Eagles du Cap-Breton font ça, entre autres. Rocky Thompson, avec lui, il est du côté, il est dans l'ouest avec le Spitfires de Windsor. Ce qu'on appelle une stratégie d'attaque sur la largeur. J'ai pas le terme nécessairement en anglais, là, mais le but, c'est de faire déplacer tes défenseurs. Parce que actuellement. Tout ce qu'on a besoin de faire chez les équipes adverses, c'est de se mettre dans la boîte, comme je disais, en avant du net, puis tu viens de laisser tout le monde à l'extérieur. Sauf que si tu amènes la rondelle le long des rampes, tu es peut-être capable d'amener le défenseur à se déplacer. Si tu fais des passes latérales sur la glace, tu es capable de faire ça, de faire bouger cette fameuse boîte-là et de créer des chances. Un peu comme on fait en avantage numérique, sauf de vraiment faire la passe d'un côté à l'autre de la glace, qui force le gardien de but à se déplacer, donc à se ramasser possiblement hors de position, puis des passes flottantes pas mal plus dures à couper que ce qu'on pense, tu sais, pour des défenseurs. C'est peut-être une stratégie qu'on pourrait revoir. Le Rocky Thompson qui a fait une coupe de avec Team Canada Junior, qui était faire une coupe de speech, puis qui est allé faire des formations pour les entraîneurs pour présenter sa stratégie. C'est entre autres sur le dans les coulisses qu'on en parlait hier. Peut-être que ça pourrait être intéressant de voir différemment la stratégie offensive, de voir les choses autrement. Les Canadiens, ils ont le budget là, pour embaucher un entraîneur de plus. C'est pas Dan Lacroix qui va révolutionner une équipe. Là. Non, effectivement. On devrait mais peut-être regarder ça. Là. Je pense que, sans dire toutes les mettre dehors, il y a peut-être certains entraîneurs qui sont pas dans la bonne chaise ou qui devrait plus être là, genre. Tu sais, il y en a une couple, je trouve, qui... Tu sais, des fois, t'entends leur nom, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, il y en a un, j'ai un blanc sur son nom, là, mais T'sais, il est en haut, puis il essaie de donner des stratégies pour. Qui est comme sa passerelle, je pense. Ouais. Cale en bas. Il sert à quoi si le Canadien n'avait pas de perte? Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il voit pas, là. Tu sais, même pendant la saison, là, Jean-Jacques Daigneault, là, sur le power play, là, ça a marché un bout, là. Mais non, mais au début de la saison, là, c'était quoi notre joke, là? Tu t'en rappelles-tu? Tu d'un coup, là, Jean-Jacques, là, l'an passé, là, toute la saison, « Hey, j'ai une idée! Hey, j'ai une idée! » Il est en arrière, puis il y a le meeting de l'avantage vérité, là, puis là, Jean-Jacques est en arrière, fait « Hey, j'ai une idée! Hey, on presse! » Puis il y a personne qui l'écoute, puis là, tout d'un coup, on lui donne la job. S'il avait été si bon que ça pour les avantages numériques, on lui aurait donné l'an passé, tu sais, quand ça allait pas bien. Non, on a attendu toute la saison. Mais Jean-Jacques, il y avait la main levée là, dans le caucus, puis il y a personne qui dit « Ouais, oui, vas-y, Jean-Jacques, dis-nous ce que tu veux dire. » Ben oui, il l'écoutait, tu sais. Il était pas si bon que ça si ça marchait pas l'an passé, là. Je peux pas croire que c'est un vase fermé, les stratégies en avantage numérique, là, puis tout d'un coup, oh, Jean-Jacques, il a des bonnes idées, puis là, on l'écoute, là. J'ai jamais compris ce mouvement de personnel-là. Tout d'un coup, on donne des tâches à un gars qui était déjà là, qui aurait pu tout dire ce qu'il avait à dire, mais là, on y donne. Fait que là, ça devrait être mieux. Ben non, tu sais. Voyons donc. Je comprends pourquoi que là, ça marche plus, mais bon. Ben, parce qu'il a renouvelé les mêmes idées que dans le temps, là. Ouais. Ben, c'est ça, un peu. C'est qu'on dirait qu'ils ont de la misère à s'adapter au changement. Toutes les autres équipes se sont adaptées, là. On le voit. Là. Ouais, puis ça change. Je vous dis, c'est... comment je peux dire, tu sais, comme Chicago là, cette année, il y a un moment donné qui ont eu un passage à vide. Là. Regarde aujourd'hui, c'est l'équipe de l'heure. Je vous dis, check les Panthers de la Floride. Là. Ça allait moyen dernièrement. Tout d'un coup, 11 victoires de suite. Je vous dis, quelque chose qui se passe, là. En tout cas, je suis pas coach. Non. Surtout pas. Il y a sûrement quelque chose. Si c'est un gars de Saint-Jérôme. Ça serait hot. Je peux donner coach. Ah oui, c'est clair. Bergevin qui dit que tout est de sa faute. Puis, écoute, je vais être plate, mais c'est un peu de sa faute, j'avoue. J'avoue ben pas ouais. mal. Ben ouais. Au moins, il l'avoue. Mais, tu sais, c'est parce que là, la lune de miel est finie pour vrai, là. Que tout le monde trippe sur Bergevin, puis tout va bien, tout est beau, tout est. Non, la vie est belle. Non, là. Là, on va jaser des... encore en arrière. Non, on va jaser des gaffes. Là. On va dire qu'est-ce qu'il y en est. Là. Les contrats de Semin, Kejen, Sekash, David Dernay, Lars Eller, Markov, Parento et Mélin. C'est Bergevin, ça. Ça va bien, là. C'est des bons contrats. Là. Tout ce monde-là, là, ça va super bien. Puis je pourrais rajouter... J'ai pas pensé à mon affaire. Là. J'ai oublié Plekanec. Un super beau contrat. Il n'y a personne qui en veut, Esther, parce qu'il y a trop un gros contrat. Ça va super bien. En date d'aujourd'hui, là, puis sur Facebook, tu me disais, non, je vais, non, soulève pas cette question-là. Mais je la pose pareil. Scrivens ou Tokarski? Et surtout, c'est même pas. Ah non, arrête! C'est même pas Scrivens ou Tokarski, c'est Scrivens ou Tokarski et Kejen. Kejen qui a eu une passe au dernier match avec les Oilers sur la droite. Ouais, mais gros ça, Kejen, par exemple, Kejen, c'est un cas à part, honnêtement. C'est pas un joueur qui performait pas. Mais il a jamais joué avec le club. Ben, justement, le gars. C'est un. Peut-être que l'encadrement était moyen, là. Comment tu peux expliquer qu'une équipe. Le gars, il va en cure de désintox, puis tu sais, il fait ses efforts sur le plan humain, là. On parle d'homme à homme, là. C'était gars, moyen. Tu vois qu'un gars, il se repent, puis tu sais, il fait les efforts, il suit le programme, puis ça a l'air de bien aller. Ben, toi, tu il offre même pas la chance de faire une game avec ton équipe. Ouais, il l'aimait pas pendant tout, là. L'équipe est trop clean. L'équipe est trop père de famille. L'équipe est trop patriotty. C'est plate à dire. Mais faut que t'aies cette image-là pour pouvoir rester à Montréal. Honnêtement, je suis encore surpris que Piqué-Souban soit à Montréal à 9 millions par année. Le gars sort du lot, puis on n'arrête pas d'en entendre parler encore, comme quoi que c'est trop. Mais, à Montréal, faut que tu sois comme ça. Cation, OK. Déjà, à la base, qui a été cherché en sachant qu'il y a des problèmes, puis qu'il voulait l'aider à se replacer, puis ça n'a pas marché, c'est clair qu'il y a des ratés, là, comme tu dis, côté humain. Là. Le gars a des problèmes. C'était quoi? Encore, là, je sais pas, là, ça s'est peut-être fait, là, j'étais pas là, là. Y a-tu un joueur qui a été le voir? Y a-tu un membre de l'équipe qui a été le voir, comme je parle vraiment dans le staff style Bergevin et tout, tu sais, une chance, moi je l'aurais faite. Puis même si j'aurais été critiqué par la presse ou peu importe, parce que peu importe, mettons, le gars joue mal ou on sait pas ce qui se serait passé, mais je l'aurais défendu, man. Mais on aurait. Tu sais, mettons qu'il joue puis il est pas super bon. Ok, mettons là. Ben, traite-le comme un joueur normal. Non, non, mais mettons, là, on se met en situation, là, puis tu veux l'échanger. Aurais-tu moins que Scrivens pour? Ben, ça aurait pas changé grand-chose. Voilà. Pourquoi t'as pas pris le risque? Surtout que c'est en plein type de joueur qui nous manquait. Gros, ailier droit, qui se crisse devant le net, qui a un bon shot, il a juste 24 ans. Puis là, je parlais de Rinfret tantôt, là, avec son information cachée. Là. Tout d'un coup, là, Mathieu Dandonneau s'est réveillé hier. Il est à Dave Morissette en direct. Hey, lui, là. Là, il est pas bon, il est pas compétent. Il est sortez-les dans le nom, mais en tout cas. Information qui sort hier par rapport à Carey Price. Tu sais, il parlait un petit peu, là, Alex Galchenyuk, les déboires, blablabla, en dehors de la glace. Puis comment est-ce que le Canadien devait le traiter? Et Mathieu Dandonneau qui mentionne que Carey Price, à ses débuts, ça a pas sorti publiquement, mais le Canadien de Montréal a été obligé d'installer une ligne fixe de téléphone dans son appartement. Il l'appelait anytime le soir, puis s'il répondait pas, il recevait une tape sur les doigts, là, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, là, pour surveiller où est-ce qu'il était puis quand il était. Ça, ça veut dire que ça va mal dans la vie d'un joueur. Ben, pourtant, on n'a pas sacrifié Carey Price. On l'a même pas sorti sur la place publique. Lui, c'était correct parce que c'était une étoile. Peut-être qu'il livrait sur la glace. Mais on le sait pas pour Kejun. On lui a pas donné la chance après. C'est l'air gainé aussi. Hein. Il faut faire la différence avec Bergevin. Le Canadien, là, oui, il y a le DG qui change, mais l'organigramme, là, le reste, ouais, là, c'est assez stable. Puis on veut 100% que ça soit clean. Hein. Le tricolore là, n'entache pas la réputation de ce club-là qu'il veut. Là, hein. Mais Carey Price, pas le même traitement que Zach Kieschen. C'est drôle, hein? C'est particulier, cette équipe-là. C'est en demi-temps, hein? Comme... En fait, il y a beaucoup trop d'influence des vieux joueurs, genre. Ouais, mais c'est là que je veux en venir. Pourtant, Guy Lafleur, c'était pas le gars qui restait chez eux à rien faire. Ouais, mais le monde, tu veux dire, le monde dans l'univers du Canadien trippe pas trop sur Guy Lafleur non plus, tu sais. Général, c'est pas le premier. Les journalistes vont triper dessus. Pourquoi? Parce qu'il est déjà à faire des déclarations incendiaires. Ouais. Pis il don't give a fuck, OK, de ce que le monde va penser. Tellement que le Canadien l'embauche pour être porte-parole pour pouvoir le contrôler. Parce que sinon, il est trop... C'est comme une des belles-mères du PQ, là. Tu vois, genre, là. Tu sais, genre, c'est pas pour rien. Regarde, c'est qui qui a aidé Jeff Molson à trouver un DG? Serge Savard. C'est ça. C'est un des derniers DG qui a eu vraiment eu du succès, maintenant à Montréal. Là. Mais pourquoi? Il y a une influence. Oui, puis il voulait garder une ligne directrice de ce que c'est à Montréal. Pourquoi tu y vas pas avec ton D? Tu vas chercher quelqu'un... C'est trop genre... Il y a trop de vieux joueurs dans l'environnement du Canadien. Je veux dire, arrêtez, devenez une nouvelle génération. Si lâchez le 1950. Hey man, imagine si les Blackhawks de Chicago, tu sais, dans ton monde de cet été, là, s'ils avaient sacrifié Patrick Kane en se disant, hey, prête notre organisation, on veut rester clean. Ils s'en mordraient-tu les doigts, tu penses? Ben, ils se mordraient les doigts d'environ 70 points en 40 games. Voilà, tu sais. Il y a un peu de ça, là. Faut je comprends, tu sais, faut pas. Pas capoté, là. Tu sais, les joueurs, c'est pas toutes des. Tu sais, sont pas top clean. Il y a des affaires que faut que ça sorte quand c'est rendu dans l'excès, là. Tu sais, gars. Oui, tu tapes ses doigts, mais on peut-tu, si les performances sont là sur la glace, gérer ça comme en 2016, mettons, là. Mais, tu sais, ça, là, c'est comme dans n'importe quoi. J'ai toujours trouvé que les gens les plus crinqués qui font les plus belles choses, autant artistiques que sportives, c'est le monde les plus crinqués dans la tête, les plus durs à suivre. Fait, c'est des intenses. C'est des intenses dans la vie. Fait que, si tu scrapes tous des gars intenses, puis après ça, tu demandes de l'intensité, je sais pas, mais c'est mon opinion. Là. Ça t'en prend des gars de même. Puis Subban, c'est le seul des Canadiens qui est comme ça. Gallagher l'est un peu aussi à son style. Ouais, mais il est capable de... Non, mais en fait, c'est ça l'exemple. C'est que ça te prend un Subban dans ton équipe. Ouais, c'est pour ça qu'il reste probablement, mais il essaie de le dompter. Parce que je me rappelle Michel Therrien, quand il est arrivé avec le Canadien, la première chose qu'il dit là, sur Subban, c'est il dit ça, c'est un étalon. Puis ça, ben, il dit faut que tu tires un peu ses rênes, faut que tu le contrôles. Non. J'ai l'impression que lui va t'apporter plus si tu le laisses aller que si tu essaies de le contrôler. C'est ça l'affaire, c'est faut pas que tu le contrôles, faut pas que tu lui donnes des barrières, faut que tu le guides dans le bon chemin. Mais laisse-les se rendre au chemin comme qu'il veut. Ouais. Exact. Et tu parlais de... Il y a trop de vieux joueurs dans l'entourage canadien de Montréal. Ça m'amène à parler d'une photo qu'on a tous les deux commentée sur les réseaux sociaux. Oh! J'ai pété ma coche. Ouais. Ça chiale pas mal là-dessus. Il y a des gens là, qui... Je comprends pas, là. Marc Bergevin fait une conférence de presse. Le club va pas bien. Et là, il y a une photo qui vient de circuler. C'est Piqué Subban qui fait un selfie avec Beaulieu, Barberio, Price, Gallagher et Wiz. Autour d'une table, ils sont en train de manger. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Là. C'est un genre de dîner. Ça a l'air d'être des sushis. Là. T'sais, comme un taille express. Là. Tranquille. T'sais. Et ça chiale, ces réseaux sociaux. Voyons donc, ils ont du fun. De, t'sais, ben, non, c'est justement le parfait timing pour ce genre de dîner-là, de team, de spirit. Un spirit d'équipe, là, d'être ensemble, d'être des frères, d'aller au combat ensemble. Et moi, ce qui m'étonne dans ce genre d'affaires-là, c'est que... Puis on avait vu là, la photo là, de Boys Band, là, les gars étaient tous habillés en blanc, là, avec Gallagher, t'avais Galchenyuk, t'avais DSP. Ouais, c'était pour une pub, ça. Ou c'était un party, whatever. Ouais, c'était pour une pub. Ouais, OK, bon. Ouais. Du moins, on voit jamais Plekanec là-dedans. On voit jamais Pacioretty. On voit jamais Markov. C'est pas censé être trois de tes quatre capitaines assistants de ton équipe, ça? Censé. Censé. C'est pas censé être eux autres qui craignent le spirit de la team? Je suis le seul qui voit un problème là-dedans? Puis les gars sont en train de manger des sushis, sont en train de dîner, whatever, là. Relax, c'est pas le party de la coke, là. Ils sont juste en train de chiller en boys qui essayent de voir une, tu sais, de penser à d'autres choses, de, tu sais, il serait au bowling que je serais comme parfait les boys, c'est ça qu'il faut faire, faut justement se changer les idées. Je vais te retourner comment, la question. Comment ça que le capitaine n'est pas là? Comment ça que le leadership de cette équipe-là n'est pas là? C'est ça. Il était peut-être aux toilettes, hein? C'est les gars tranquilles du Canadien. Ils en ont profité pour prendre une photo, il n'est pas là. Ouais, c'est ça. Hey, notre réputation va être sauf. pour le leadership, t'as raison, mais sinon, on va te retourner la question. Là, je sais pas quel cours que tu as fait à l'université ou au cégep, mais mettons que tu prends tous les étudiants avec qui tu étais à ta promotion, puis vous en allez une fin de semaine, whatever, que vous couchez à l'extérieur. Est-ce que vous allez tout le temps être tout le groupe ensemble ou tu as des amis là-dedans que tu as forgé des liens un peu plus forts que ça, puis que tu dis, hey, nous autres, les quatre, on va aller manger ouais, ou je suis d'accord. Ensemble. Là, tu me parles d'une situation une fois de temps en temps, tu sais. Moi, je te parle de photos de. Tu vois les joueurs, une fois de temps en temps, là, t'as des photos qui sortent, puis t'as des joueurs qui se tiennent ensemble, puis c'est tout le temps pas mal ces mêmes joueurs-là. Je vois jamais Pacioretty, Plekanec, puis Markov dans l'eau, tu sais. Jamais. Puis c'est une coupe d'occasion. C'est pas cette photo-là au hasard, là. Mais en temps de crise, c'est encore. Pour moi, c'est encore plus parlant, là. Ouais, mais là, Pacioretty. Pacioretty a des jeunes enfants aussi, là, il y a moins de temps de sortir. Là. Sans problème. Je le comprends. Mais non, c'est sûr que. Mais c'est la récurrence de la chose, moi, que je questionne. C'était une fois, tu sais. Je dirais pas, là. Mais là, il me semble que c'est toutes les photos. Tu vois jamais, comme, dans un vrai esprit d'équipe, en dehors du travail, de la business du hockey, les gars étaient impliqués, tu sais. T'as raison. T'as raison pour l'aspect leadership. Quand ils font des sorties ou ils font des trucs du genre, tu sais, il devrait avoir au moins un des leaders là-dedans. Ben là, c'est qui Subban, il est là-dedans aussi. Là. Il y a Gallagher, puis Price qui est le vrai capitaine. Ouais, c'est ça, mais t'as raison. T'as raison. Pacioretty, c'est le capitaine, là. Ça excuse en rien. Puis pas juste ça, Price, il est blessé. Puis il se tient pareil avec les boys. Mais oui. On signe ça. Non, mais, ouais. Mais moi, ce que j'aime pas, par exemple, c'est justement le fait que le monde chiale là-dessus. Sur Internet. Ben oui, aussi. C'est quoi les commentaires du monde, là? Puis, Jerry, tu les as plus vus que moi, là. Mais je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent chialer. Ben, c'est carrément. Des fois, là, c'est carrément des. Je comprends pas. Ils devraient tellement, genre. Ils devraient pas faire des dîners de même. devrait genre, pas être heureux. Ça perd 20 games en 25 games, puis ça se permet genre de se faire des soupers. What the fuck? Man, c'est des boys qui justement sont peut-être tannés. Ils doivent en jaser justement, puis hey, là, les boys, faut qu'on trouve un moyen, puis sérieusement, man, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe de se retrouver comme ça, là. Je dis, moi, là, puis honnêtement, là, je veux pas être méchant, là, mais si tu nous écoutes puis t'as écrit un commentaire de même, là, réapprends ton hockey et l'humanité. C'est tout. C'est excellent. Message direct à nos auditeurs. Hein? Ça a juste pas sa place. Là, toi, là, si tu nous écoutes, toi, là, t'as pas le droit de huer. Mais bon. Ouais. Avez-vous des sujets, les boys? Parce que là, moi, je lis de la discussion depuis le début, puis tu sais, ça coule bien, mais avez-vous des trucs, vous savez à quoi vous voulez aller? Ben, à part les deux conférences de presse. Ouais. Moi, je voulais qu'on parle de quelque chose qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre sur l'Internet. Jonathan Drouin. Ah oui, oui, oui, qui, oui. Ben, en fait, j'ai une question. Est-ce que sa carrière est compromise? Bon, je pense pas. Je pense pas. Non, mais est-ce qu'il devrait changer d'agent? Oui. Définitivement, oui. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée. Parce que il y a certaines décisions qui sont douteuses. Lui, c'est Alan Walsh, son agent. Hein? Ouais, c'est ça. C'est Alan un particulier, Walsh. Lui. C'est une couple de fois qu'il sort des médias. Il est très. Pas sûr que tous les DG trippent. Ouais, moi, je le connais pas, là, mais. J'ai appris à le connaître. Sortir, là. Puis c'est souvent de ce genre-là. Tu sais, il fronte tes équipes pas mal, là. Ouais. Ben, c'est parce qu'en même temps, c'est tough. Hein. Tu sais, qui c'est qu'il faut croire, là? T'as Alan Walsh qui sort un communiqué, dans le sens, qui dit que Yzerman lui avait dit qu'il y avait un échange qui était sur le bord d'être complété, que c'était juste une remise en forme du fait qu'il a été renvoyé dans la Ligue américaine. Puis là, habituellement, une remise en forme, je pense, c'est 7 matchs. Donc, après son 7e match, Alan Walsh aurait dit, là, ça encore on ne sait pas, c'est sûrement Alan Walsh qui conseillait ça à Drouin, il était un peu cave de l'avoir écouté, mais bon. Ben cave pis non, là, je suis bien 50-50 moi aujourd'hui, ok? Je comprends le côté genre pas se blesser, mais en même temps, le meilleur moyen d'augmenter ta valeur pis de faire échanger rapidement, c'est de jouer. C'est juste normal. Puis là, t'as Yzerman qui est sorti aujourd'hui avec sa conférence de presse qui dit que j'ai jamais dit ça, qu'il y avait un trade. Tu sais, j'essaie agressivement de l'échanger. Mais en même temps, là, il met des bâtons dans les roues parce qu'il joue pas. Fait que les autres équipes peuvent pas le voir. Puis tu sais, Yzerman, il est peut-être gourmand, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est un troisième choix total. Ouais, tu vas te retrouver avec de la cochonnerie pour ça, là, justement. Ben, c'est ça, tu sais. On peut le donner à Plekanec Emeline Paul, mais pas sûr qu'il va vouloir, tu sais. Oui. Non, mais c'est les échanges normales, là. C'est tout le temps comme ça à Montréal. Mais. mais non, c'est juste. C'est tellement. Je comprends tellement Yzerman de faire. Regarde, c'est moi qui gère ça. Mais c'est un gars qui c'est pas la première fois, hein. Du moins, qui se retrouve dans des situations de même. Il avait dit dans le junior à un club de pas le repêcher parce qu'il voulait pas aller jouer là. Fait qu'il avait été finalement avec dans les provinces de l'Atlantique. Tu sais, c'est arrivé une couple de fois, là. Tu sais, il est resté à la maison aussi quand il était dans le junior, quand il a vu Duclair comment est-ce qu'il était payé avec les remparts, tu sais. Le genre de gars qui est. Tu sais, tu veux-tu vraiment ça dans ton équipe? Ben, ça a l'air qu'il y a beaucoup d'attitude, le gars. Il ouais. est beaucoup. Moi. Il est très là. Ouais. Déjà, à 20 ans, demander un trade, même si c'est ton agent qui dit tu devrais demander un trade, c'est assez moyen. Je veux dire, prends ton trou. Si tu fais 40 points en 20 games puis qu'il t'archip sur le quatrième trio pendant je sais pas combien de games. Là, peut-être 8 points en 34 games, moi je fermerais ma gueule. Mais ça, c'est juste moi. C'est clair que, tu sais, le Lightning ont le gros bout du bâton. Ah, oh, solide. Là. Pendant 3 ans, il est sous contrat, puis après ça, il est RFA. S'ils veulent le faire, là, vraiment, là, tu sais, suer, puis juste le casser, ils peuvent. Puis j'étais sur Twitter en train d'en discuter avec. Je vais juste rouvrir mon Twitter parce que la personne était assez notable pour que je vous la nomme. C'était avec, j'essaie de voir, Martin Leclerc, journaliste de Radio-Canada. J'osais avec du monde de même des fois là. Et t'es jet set, man. Ah, je suis de même. Je sais pas pourquoi, j'avais le goût de le nommer. Juste pour le fun. Donc, ils ont le contrôle, tu sais. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Puis s'il est trop cocky, il va se faire pincer, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi, si j'étais son agent, je me calmerais aussi les nerfs, tu sais. Parce que je veux pas le gros bout du bâton, tu sais. Puis là, ben, tranquillement, sa valeur diminue. Puis l'équipe qu'il possède a pas ce qu'elle veut nécessairement. Donc, elle garde plus longtemps. Puis là, c'est un servicieux, là. Ça réglera rien, là. Non, c'est ça, exactement. Puis avoir tout ça, moi, je le veux pas à Montréal. En tout cas, je le veux clairement pas à Montréal pour Galchenyuk. Beaucoup de monde non. Pensait, là. Non, c'est sûr, c'est pas pour Galchenyuk. Galchenyuk est établi, il a plus de valeur. Mais si tu le ponges à Montréal, Drouin, j'ai pas de problème avec ça, tu sais, il a du talent. Mais je veux qu'il soit sur la même ligne que Galchenyuk, tu sais. Sinon, ben, c'est pas bon, là. Non, tu perds, dans le fond, tu perds du temps. Si tu échanges Galchenyuk pour Drouin, ça va prendre au moins un an avant d'avoir le statut de Galchenyuk. Fait que tu perds même du temps, en plus, ouais, peut-être même deux. Puis, en réalité, ça te prend un top 6 à l'attaque. Là. Tu remplaces un pour un. Là. Tu recules dans le temps en plus. Mais ça prend-tu vraiment un top 6? Oui. Non, entièrement, check les Hawks. Ah non, ça, mais... 3-4, là, c'est des lignes. Là. Il y a des joueurs qui pleurent dans la ligne. Il y en a même là, qui sont... Regarde, Daniel Payet vient de signer avec les Rangers. Ouais, donc, il y en pleut même au mois de février des joueurs de 3-4e trio. T'as pas compris ce vers quoi je tendais. C'est que... Dans la situation actuelle du Canadien, là, que ça prend, c'est RDS qui présentait ça mardi soir après la défaite. Le Canadien de Montréal, eux autres, ils établissaient que ça prenait 94 points pour faire les playoffs. On s'entend ensemble, c'est plus 98, là, genre 98-99 faire les playoffs. Ouais, vise le 100, tu vas être correct. Ouais, c'est ça. Et pour avoir 94 points, on parle de 20 victoires, 12 défaites et 4 défaites en prolongation. Là-dessus... T'as 6 matchs t'as 6 occasions de 2 matchs en 2 joueurs, donc pas évident. Une fois sur 2, clairement, t'es en danger de perdre. Est-ce que le Canadien est en position pour faire les séries? Moi, je pense que non. Ben, ils sont pas en position non plus, là. Actuellement, ils font pas. Actuellement, ils ne font pas. Ce soir, au moment où est-ce qu'on enregistre, les Flyers et les Pingouins s'affrontent. Donc, il y a une des deux équipes qui va ramasser 2 points. Possiblement une deuxième équipe qui va en ramasser 1. Et qui vont devancer, au moins un des deux clubs égalise, voire devance le Canadien de Montréal, fait que la chute se poursuit. Est-ce que le Canadien va faire les séries? Je ne pense pas. Je suis vraiment pas confiant. Et tant qu'à ne pas faire les séries, pourquoi je transigerais pour aller chercher un top 6 maintenant? Moi, je le ferais pas. Je serais plutôt à l'inverse, en mode vente. C'est un moment charnière en ce moment, ce qui se passe. T'es dans le droit de te poser la question, justement. Puis, en plus, ça m'amène à un point que j'ai noté. On y va-tu all-in avec nos espoirs ou on rajoute des espoirs? Ou, tu sais, où on reste le même maudit pattern, va chercher des jours de location, on pousse, puis on retarde un petit peu le développement de nos espoirs. Par espoir, tu sais, dans le fond, il faudrait faire de la place. T'sais, tu trades les joueurs qui n'ont pas rapport. Flynn, Byron, Fleischman, même mettons, Delarose, je l'ai cherché. Moi, Byron, je l'aime bien, là. Oui, mais là, mais t'sais, je veux dire, tu trades ces gars-là, 3-4, même Plekanec, Markov. Voici les sacrifiables. Et on monte des Hudon, McCarron, Andrigetto, Carr, Sherbach, tu montes ça, Darren Dietz, Foucalé. T'es fait jouer. Puis au pire, là, on ramasse le first pick où on n'est pas trop loin si on fait pas les séries de beaucoup. Tu sais, les fans, ils vont bien plus triper à voir ça que des vétérans qui se pognent le sac. Là. OK. Mais, OK, juste finir avec ça. Ouais. Mais, tu sais, ils n'auront pas le même but. C'est pas tout le monde qui va avoir le même but dans cette équipe-là. Puis c'est un peu difficile à dire qu'ils vont pousser dans la même direction parce que les vétérans, eux autres, vont vouloir gagner quand même parce qu'ils ont l'esprit compétitif, sont là depuis longtemps. Puis les jeunes, eux autres, vont juste jouer pour pouvoir rester dans la Ligue nationale. Fait qu'ils vont jouer moins pour faire des erreurs. Puis, tu sais, ils vont jouer juste pour rester là, finalement. Fait que ça réglera pas le problème à court terme. Là. Moi, je considère que le Canadien de Montréal, sa défensive fait du sens. Mettons là, que tu vises à créer quelque chose qui est candidat pour... qui est une puissance. Là. Candidat pour la course cette année, après année, la défensive du Canadien peut faire du sens. Barberio, Patrin, Beaulieu, Petrie, Subban. C'est ton corps, ça fait du sens. T'as Jolson qui s'en vient aussi. Ça, pour moi, ça fait du sens, la défensive du Canadien. J'enlève là-dedans Emelin et Markov, que j'ai les mines du dossier. Moi, si je me mets en termes de hockey, si je me mets vendeur d'ici la date limite des transactions, c'est surtout en attaque. Il y a beaucoup de gens qui parlent de tanker. Je suis un de ceux qui est d'accord avec cette technique-là, qui considère que ce serait une bonne méthode, mais avoir le corps défensif du Canadien de Montréal, qui est encore assez jeune, Subban a 26 ans, là, il y a moyen de faire de quoi avec ça, et les attaquants se développent pas mal plus vite, moi, je ferais un demi-tankage. Je sacrifie de l'attaque pour aller chercher des choix, des prospects, des jeunes joueurs récemment établis dans la Ligue nationale. Dans mes sacrifiables, à l'attaque, je vois Plekanec, je vois Desharnais, je vois Heller, je vois Mitchell, je vois Flynn, je vois DSP, je vois Fleischmann et je vois Pacioretty. Je m'attendais à ce que ça parte à crier. Non, mais en fait, c'est parce que... D'accord. Je suis d'accord avec toi. Là. Sauf que, comme on a déjà dit... Pacioretty, ça n'arrivera pas juste à cause qu'ils ont mis le C cette année. Oui, mais ça ne serait pas la première erreur de Bergevin. Une de plus, une de moins, d'y avoir donné le C, tant qu'à moi, c'est pas bien grave. À part perdre la face, puis au nombre de gaffes qu'on a nommées tantôt, une fois de plus, une fois de moins. Hein? Voyons. Et c'est un peu comme les Hawks ont fait, donc de développer la défensive en premier. Là, on aurait notre corps défensif déjà établi et de voir les attaquants popper plus rapidement. Parce qu'un Pacioretty... Les autres, là, Plekanec, tu vas avoir un deuxième, peut-être un premier, une équipe qui est vraiment assoiffée parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Desharnais, Heller, Mitchell, Flynn, DSP, Flashman, gars, des choix de 3, je serais vraiment content, là, puis encore. Mais Pacioretty peut facilement t'offrir un espoir de premier plan et un first pick. Ouais. Facilement. Puis encore, peut-être plus. Et surtout, moi, le pourquoi que je changerais Pacioretty, c'est que dans l'état actuel des choses, le Canadien ne sera jamais une équipe réellement aspirante à la Coupe Stanley d'année en année. Il n'y a pas assez de prospects. Et surtout, le corps en attaque, on le voit, là, c'est pas assez offensif. Et Pacioretty, il lui reste 3 ans de contrat. Donc, il reste à 4,5, 3 ans. En 2019-2020, il doit signer un nouveau contrat à ce moment-là et le plafond salarial va continuer à grimper. Ce qui veut dire qu'on va s'attendre à un contrat de... Moi, je... Autant si actuellement Plekanec est capable de signer pour 7 millions de dollars par saison, je vois pas pourquoi que Pacioretty, dans 3 ans, pourra pas signer pour 9 avec le plafond salarial qui grimpe. Et à 9 millions, est-ce que Pacioretty est capable de t'amener plus de production offensive que deux gars à 4,5? Je ne pense pas. Non, il a déjà donné, je pense, ce qu'il avait à donner. Le maximum qu'il va atteindre, c'est un 40 buts par saison. À 4,5, je peux pas croire qu'on n'est pas capable d'avoir deux gars à 25 buts par saison. Donc, 50 buts au total, ce qui veut dire plus que Pacioretty. Non, je suis totalement d'accord. C'est moi où la logique, il y a une logique, il y a quelque chose là. Et surtout, c'est que moi, je te nomme 8 gars. Et je vois 7 gars en attaque qui peuvent faire assurer la transition et éventuellement devenir ton corps en attaque. Je pense ici à McCarron, à Sherbach, à Hudon, à Alessio, André Ghetto, Carr, Holloway, et Freeberg est un défenseur. Non, c'est un attaquant. Donc Freeberg aussi. Et les gauches. Donc tu te ramasses 8 pour 8. On est en business. Tu vas avoir une attaque jeune, dynamique, qui risque de faire des erreurs en défense, mais c'est pas grave. Ils vont se développer tout ensemble, plus les prospects que tu vas avoir au prochain draft. Juste en attaque au prochain draft, là, t'as deux Finlandais, Puljujärvi, t'as Lenné et t'as Aston Matthews. Si tu fais pas une série, t'as une chance d'avoir le premier pick overall. Why not? Why not? Pourquoi pas l'essayer? C'est un demi-tank. 2 ans de misère, puis t'es reparti en business avec un corps qui fait du sens, qui va tout grimper ensemble. Mais ça sera jamais accepté à Montréal. Non, c'est pas assez payant, surtout que le dollar qui est vraiment bas. Là. Le Canadien peut pas se permettre de manquer série 2 ans de suite. Pourquoi il peut pas se le permettre? Même si ceux qui possèdent des billets de saison doivent payer tous les matchs de série quand même. Honnêtement, je suis sûr que le Centre Bell c'est quand même rempli. Moi je vois les Oilers. Mais ça serait le chaos, man! Moi, je vois les Oilers aller, puis depuis 3 ans, ils remplissent l'aréna. Ouais, parce qu'à chaque année, ils promettent, s'ils ont le premier choix à chaque année. Il n'y a rien d'autre à faire à Edmonton. Ça, c'est bon. La question que je vais vous poser, c'est les fans de hockey d'Edmonton sont-ils plus brillants que les fans à Montréal? Non, d'ailleurs, j'ai parlé avec un. On est-tu plus cave à Montréal qu'à Edmonton pour pas être capable de comprendre le principe de tankage puis qu'est-ce que ça peut amener? Oui, mais c'est parce qu'eux autres, le problème qu'ils voient, c'est qu'ils repêchent beaucoup trop d'attaquants. T'sais, ils ont comme trop été. On est d'accord. Que le meilleur joueur disponible au lieu de dire, gars, on va se bâtir une équipe. Ils l'ont clairement mal fait. On est d'accord là-dessus. Mais avec une stratégie de tankage, si tu l'appliques comme du monde, et ça, pourquoi je te dis, je garde mon corps défensif, c'est que c'est ça le plus long à développer. Les attaquants, là, quand les Hawks avaient Keith et Seabrook, qui étaient vraiment commençaient à être solides, là, t'as eu les Tays, t'as eu les Kings qui ont popé, il y avait 21 ans, il y avait 20 ans, puis il était déjà à des 60 points par saison. Ça a pas pris 8 ans à les développer. Ça en a pris 3, tu sais. Ce qui développe aussi tes joueurs, c'est le temps de jeu. Ben, il va en avoir s'il n'y a plus de vétérans. C'est sûr, mais même encore là, check, meilleur exemple, c'est le mois passé, Galchenyuk, 12 points, c'est le meilleur pointeur du mois de décembre. Moyenne de jeu de 13 minutes. C'est pas normal, là. Terrien fait pas partie de ma solution, mais ça, c'est pas du tankage. Moi, je te parle de la direction du Canadien de Montréal. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce que je ferais, c'est un peu à la Buffalo l'année passée, avec des meilleures décisions ici et là, mettons. Mais tu sais, comme aller chercher un joueur blessé, qui a moins de valeur, ou tu sais, un joueur, pas nécessairement un joueur à problème, parce que Evander Kane, c'est un joueur à problème, si on veut, là. Mais tu sais, comme le meilleur exemple qu'il y a présentement, là, c'est Ryan Nugent-Hopkins. Je l'avais en tête. Il est blessé, là. Il va se faire opérer. Go, vas-y. Ben, c'est ça. Sa valeur a droppé. Il va clairement être sur le trade block dans pas long. T'as McDavid qui va revenir. Fait que d'un sens. Il va pogner le premier centre. Là, ben oui, il y en a. Ben, c'est ça. Fait... Puis Draisaitl qui joue vraiment bien en plus. Il va pogner le deuxième centre, ça sera pas long. Ah, c'est ça. Il y a du stock. Là. En tout cas, moi, la seule affaire que j'aime pas, c'est qu'il est trop. Pas qu'il est trop petit, mais. Mais il compense par la créativité. Mais ça, c'est comme le gars a du talent. C'est un peu comme Taze, il est pas très gros, là. Mais il est capable de jouer partout. Ouais, mais voilà. Taze, c'est Taze. Ah, mais un centre, c'est pas besoin d'être le gars le plus physique non plus. Là. Non, c'est long, c'est des rampes. C'est pour ça que ça me fait rire quand on dit on a besoin d'un gros joueur de centre, ça fait des années qu'on le cherche. D'après moi, non. Moi, je suis genre à chercher un gros centre, là, je m'en fous totalement. Gagne tes face-off, puis soit un bon milieu de terrain, là, tu sais, un gars qui est capable de. Tes alliés. C'est ça, un bon fabricant. Hein, puis... Fait que de la façon que je vous explique mon plan, ça fait du sens. Est-ce que les amateurs du Canadien de Montréal sont capables de le comprendre? Si on les explique comme du monde, quand c'est pas Gaston Terrier qui est le gars qui a une crédibilité dans les médias, quand c'est pas Benoît Brunet, quand c'est pas ce monde-là qui sont quand c'est pas... C'est trop crédible. Ron, qui encore une fois à radio tantôt mentionne que, ah voyons donc, les gens peuvent pas accepter que tu fais pas essayer à Montréal. Quand c'est plus ce monde-là là, qui ont le lead, là, puis on parle de vrai hockey puis qu'on les explique comme du monde, sont capables de comprendre ça? Je te parle pas de détruire le club pour 10 ans. Non, mais pourquoi ça pense de même? Parce qu'il y a trop de vieux joueurs dans l'entourage de l'équipe. C'est ça. Mais il faut que tu changes la mentalité. Puis si tu changes la mentalité du club, la mentalité de tes fans vont changer en même temps. Ouais, faut que tu penses PlayStation. Tu sais, JB, t'as fait partie des ligues simulées. Qu'est-ce que t'avais comme stratégie à base? Pogner un club, là, fais comme OK. OK. C'est ça. Tant qu'à pas faire les playoffs, moi, c'est. Tant que. Ça sert à quoi jouer au hockey c'est pas pour gagner les grands honneurs? C'est juste moi qui vois de même la game? Non, tu joues pour gagner. Sauf que, en Ligue nationale, je comprends que t'as l'impératif financier, blablabla, blablabla. Je le comprends, ça. Mais tu vas y vendre pareil à Montréal, les billets. Ramène deux choix numéro un, là. Ramène Austin Matthews puis Puyu Jarvi dans le même club. À ta boy, ça va être rempli, puis tu vas en vendre des jerseys, là. Faut que tu fasses attention, pas faire comme les Bruins, par exemple, puis te ramasser des gars qui. Pour qu'est-ce que t'as donné, ils t'apportent pas grand-chose. Man, ils ont pas le meilleur recruteur au monde. Ouais, c'est sûr. J'ai déjà montré dans un article que la force du Canadien de Montréal, c'était justement son repêchage avec Timmins. Il fait un job, là. pour moi, c'est pas un problème. Donnez-y ouais, des munitions. T'as raison. Mais là, je t'ai mis sur le hotspot là, en te disant ça, en te disant les ligues simulées, pensez PlayStation. Mais est-ce que c'est mieux? Parce que là, on parle de faire beaucoup de transactions. Puis est-ce que c'est mieux à ce moment-là? Parce qu'il y en a gros qui disent on peut pas échanger une équipe au complet, on change le coach. Moi, je suis totalement en désaccord avec ça. Là. Ah oui, moi aussi. C'est parce que le coach, il joue pas, il est pas sur la glace. Fait que si tu changes un coach, ça fait quoi? Ça, tant qu'à ça, faites juste changer de femme, les boys. Là. Vous allez avoir une nouvelle femme à la maison, vous allez peut-être mieux jouer. Le message à Markov. Mais, il est bien avec sa blonde, là, by the way. C'est ça. Mais c'est ça, tu fais deux ou trois gros trades là, puis qui concernent des joueurs d'impact, puis ça peut replacer un club. Pas nécessaire d'aller chercher exactement des prospects ou des choix de ronde. Là. Mais puis, là, je vais parler comme un joueur analyste là, qui est. Tu sais, les journalistes, ils se sentent vraiment obligés de dire qu'ils ont joué à la game pour appuyer leurs commentaires. Oui, ça crédibilise la patente. Comme si tu avais été gestionnaire d'un club de hockey. Non, tu faisais des passes puis des buts. Là. Tu jouais ça à 4 des fois, tu étais d'instant. Mais, tu sais, histoire d'échanger des joueurs, je le vis présentement parce que je suis capitaine dans mon équipe dans une ligue de garage. Je vais voir, c'est totalement awkward. C'est à petite échelle, on s'entend. Là. C'est vraiment ça. Mais c'est pas facile, honnêtement. Là. Faut que tu dises à un de tes joueurs qu'il est échangé. Puis je l'ai vécu récemment dans le temps des fêtes. Puis j'ai pas dormi de la fin de semaine. Je me sentais tellement mal de l'avoir échangé. Ah, puis le gars, je l'aimais beaucoup, mais. T'es pas payé pour ça, toi, là. C'est pas ta carrière. Je paye en plus pour jouer. Mais. Le reste, hockey, ça joue sur la glace. Puis faut que tu mettes tes sentiments de côté. Mais si t'es un joueur comme. Marc Bergevin, ça a été un joueur. Puis quand c'est le temps de faire une transaction, tu penses-tu qu'il serait capable de dire OK, hey Max, je t'ai échangé à Détroit, mettons. Tu sais, il paraît ça, il se retourne, puis il dit. Parce que jusqu'à là, il l'a fait juste avec des jeunes. Il l'a fait juste avec des joueurs. C'est ça. Je pense qu'il a peur de mouver des vétérans, de peur, parce qu'il respecte trop ces joueurs-là. Puis il se dit, si je fais ça, je vais peut-être perdre le respect d'un autre vétéran. J'ai l'impression que tu as des player coach, puis tu as aussi des GM coach. Ouais. Je pense qu'il est beaucoup trop proche de ses joueurs. Ils aiment beaucoup trop. Ce qui fait qu'il est surévalué de 1. Fait qu'il y a de la misère à faire les transactions. Parce qu'après ça, quelqu'un il demande en plus, je voudrais avoir Pacioretty. Mais ben là, il est trop émotif. Il dit, ah, il demande trop. C'est dur de faire les transactions. Blablabla. C'est normal. Il n'est pas comme, comment il s'appelait, Billy Beam, là, des Aces d'Oakland. Il fait, non, de la merde, là. T'es échangé, ciao, bye, tiens, ça, c'est le gars qui va s'occuper de toi, va le voir, non, non. Il faut vraiment que, d'après moi, tu dissocies la game puis les situations de gestion d'équipe. Je pense que Bergevin a de la misère avec ça. Il fait peut-être une très bonne évaluation des joueurs puis de son personnel, mais... Il a de la misère à appliquer des stratégies parce que, justement, il est trop proche de ces gens-là. Ça nuit à son jugement, ça nuit à l'application. Possiblement. Puis, tu sais, on l'a déjà vu là, quand il y a eu le coup de Heller là, en série contre les Sénateurs d'Ottawa. Tu sais, qu'il était de quand était... Greiball l'a frappé. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, t'avais comme Heller, c'est sur... sur la civière, puis tu sais, il était dans les. Je cherche le terme là. Ouais, il était dans le coq d'or là, ouais, à la ça, sortie. Exactement. Fait tu sais, il croise le joueur, puis tu sais, il est allé. J'ai l'impression qu'il est allé en ambulance avec, tu sais. Peut-être qu'il devrait rester dans son bureau puis jamais avoir de contact avec les joueurs. Voir ça comme des effectifs. Tu sais, un gars qui gère une business de vente de café, là, il est pas en train de jaser avec les grains. Tu sais, je vois pas t'acheter. Salutations à Café Vrac qui en passe. Ouais, avec son commanditaire. C'est un peu hasard. J'ai choisi le café de Marim, là, mais ça pour dire que les joueurs de hockey, c'est une marchandise. Tes employés à toi directement, c'est les coachs. Eux autres, tu les jases avec. Tu vois des stratégies, blablabla, bla, bla, mais garde une distance avec ta marchandise. Si t'es en amour avec tes joueurs, tu finis par plus voir l'arbre. Tu vois plus la forêt. Ah, il y a quand même une limite ça. Aussi. Là. C'est quand même cool qu'il soit humain d'un certain côté, mais de pas avoir peur non plus de regarde, je t'aime bien, là, mais j'ai besoin d'améliorer le club, puis blablabla. Ben, ça devient, c'est d'autant plus dur de faire la scission entre les deux mondes. C'est ça qui arrive, là. C'est ce qu'on dit, là. Ouais, non, je sais, mais... Il y a rien... C'est parce que moi, je trouve qu'il y a rien de mal en... d'être un GM coach, un... en tout cas, players coach, peu importe, là. Sauf qu'il faut juste que tu sois capable... Comme je dis, sûrement que Benjamin a de la misère à faire ça. Mais si tu le fais, je m'en fous que t'aimes bien tes joueurs. Là. C'est tout, c'était juste mon grain de sel. Mais puis en plus, je vais te rajouter là-dessus, Jerry, tu sais, on parle de GM, t'as dit GM coach, puis c'est un bon lapsus parce que je vais en venir à ça aussi. Il est trop proche de Michel Therrien. Fait que, puis en plus, dire à Michel Therrien qu'il est out... Quand tu sais clairement que tu ne l'as pas aidé, c'est encore pire. C'est pour ça qu'il a fait un bon coup, ça, de ne pas l'avoir mis dehors. C'est effectivement ça. D'après moi, ça va être partir en paire, là. Si les deux vont partir, si ça part. Ou ça va être juste Bergevin. Mais en tout cas, puis, à moins que je me trompe, le hockey, ça joue sur la glace. Ça prend du talent pour gagner. OK? Pas juste des joueurs que tu leur fais faire ce que tu veux parce qu'ils écoutent. Puis, Canadiens, il y en a moins que les autres. On le voit, là, ils sont pas capables de suivre. Puis là, tu t'entends, t'es rien dire. Là, on joue bien, on a joué à hauteur de notre talent ou peu importe, puis on n'a pas gagné. Le constat, c'est qu'on n'a pas réussi à gagner en talent depuis qu'on a eu notre présence en finale de l'Est contre les Rangers. Ouais, peut-être que c'est de la poudre aux yeux parce qu'on a tellement bien joué, on a joué plus haut que notre talent, mais reste qu'on a tellement aimé ce club-là qu'on a essayé juste de rajouter un peu ici et là, mais on n'a pas réussi à gagner en talent depuis ce temps-là. Puis en plus, il y a le DG qui dit je peux rien faire, je peux pas. Ça se fait plus des grosses échanges. C'est ça, on fait quoi? Fait que on claire le DG ou on va chercher un qui va réussir à faire de quoi. Là. Mais tu sais, on remet ça dans le temps, là, un Serge Savard, lui, il aurait réussi à aller chercher un Johansson ou peut-être même un Drouin. Lui, quand il avait un dé dans la tête, me semble de mémoire, il était capable de se rendre là. Mais il n'y avait pas à négocier avec le plafond salarial non plus. Là. Ça, c'est. Faut rajouter ça dans l'équation. Ah, t'as tellement c'est, raison. J'ai oublié ça. C'est ça à faire, c'est que le gars est très calculateur. Le gars veut. Tu sais, il pense à. Et je vais avoir Price à signer dans pas long. Je vais avoir lui à signer dans pas long. J'ai ci, ça. Peut-être que c'est une bonne idée de ne pas donner des contrats de 4,5 à Emlyn, 3,5 à. Heller, un 7 millions à Plekanec. Moi, je dis ça de même. Là. Mais juste là, tu te donnes beaucoup de marge de manœuvre. C'est pas le meilleur négociateur de contrat. T'sais. Non, pas pour les contrats. C'est sûr que c'est négocié en poutine. Oui, c'est clair. C'était facile. J'avais entendu de quoi un moment quelque part. Je m'en souviens plus. Fait qu'on va laisser faire. Oh, OK. Excellent. C'est même... Autant j'aime Subban, autant à ce prix-là, au salaire qui est payé, 9 millions, c'est beaucoup, là. C'est un peu trop, tu sais. À 8,5, j'aurais été vraiment plus content. 9, c'est beaucoup, là. Mais je comprends que le gars, il voulait, tu sais, faire payer le contrat de transition que le Canadien il a imposé, là. Mais en tout cas, vous comprenez ce vers quoi je vais aller, là. C'est que. Ça reste une erreur, ça aussi. Même ce gars-là est surpayé un peu, tu sais. C'est pas juste la clause Montréal là-dedans. C'est pas juste le fait que à Montréal, faut que tu surpayes plus. T'es... Non, là, il y a aussi le travail du DG d'être capable de bien négocier sa patente. Là. En passant, Plekanec, c'est pas 7 millions, hein, c'est 5 millions sur le cap hit. Oui, cette année. Ouais, mais... parce que l'année prochaine, il me semble que c'est 7 son salaire. Ouais, 7 millions son salaire pour l'année prochaine, puis l'autre année d'après, c'est 5, donc ça donne un cap hit de 6 pour son contrat de 2 ans. Ah ouais, je le vois à 5, moi, le cap hit. Pour cette année, oui, mais son contrat entre en vigueur l'an prochain. Ah, OK. Excuse-moi, tu te souviens de le dire, puis moi, je fais comme, non, je t'abstine. Hey, tu vas t'avoir raison à force. Tu vas t'avoir à l'usure. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, en parlant d'essayer de faire des échanges canadiens, ça m'amène à un point. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent Deep Throat CH sur Twitter. Non. Qui fait quand même des tweets assez intéressants. Ça a l'air d'un insider pur et dur. Là. Il est dans le giron du Canadien. Puis depuis longtemps, il poste souvent des trucs. Puis ça s'avère tellement dans Target ou proche. Là. Puis c'est un gars qu'il faut vraiment suivre si t'aimes le hockey. C'est Deep Throat, comme la célèbre porn star. C'est l'informateur à la Maison Blanche. Oui, c'est vrai. Fait que il y a des tweets intéressants qui ont ressorti aujourd'hui. En fait, le premier que je voulais vous mentionner, c'est Colorado et le CH en communication depuis quelques jours. Je me demande quel joueur. On parlait de Higginla l'autre fois dans un autre podcast. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour le Canadien? Peut-être. Je t'avais dit non pour Higginla. Non, moi non. La simple et unique raison que c'est 5 millions l'année prochaine sa masse salariale. Et on a déjà Plekanec. C'est ça. C'est un pour un, peut-être. Mais en tout cas, il paraît que ça discute. Je sais pas pour quel joueur. Un pour un, on jase déjà plus, là. C'est ça. Plekanec pour Higginla, pas de trouble. Ah, il n'y a pas de nom qui a été nommé, là. C'est Colorado et là, CH en communication depuis quelques jours. Je sais pas. Ça aurait du sens. Ça aurait du sens parce que il y a certains. En tout cas, vu que c'est pas dans la même division en plus, là. Mais je vois des joueurs qui pourraient être intéressants pour le Canadien. Que ça va pas nécessairement bien avec l'Avalanche où il y a peut-être des situations contractuelles. Tu sais, je pense entre autres, mettons, Matt Duchene, ça pourrait-tu être un joueur qui pourrait être intéressant pour le Canadien? Ben oui, c'est sûr, mais c'est pas parce que ça va pas bien avec son équipe que le gars, il a une moins bonne valeur puis que l'Avalanche va accepter de l'échanger pour moins que ce qu'il vaut, tu sais. Hey, puis honnêtement, là, non, je suis pas sûr, moi, de Matt Duchene. Ben, il y a clairement du talent, là. Tu peux pas dire oui. Le contraire, là. Non, ça, ben, je serais capable de dire qu'il est poche, là. Mais c'est plus un... Est-ce que vous avez été voir ses stats? Non, on va aller voir ça. J'allais dans mon pool, là. Sa plus grande saison en Ligue nationale, c'est 70 points. Ouais. Mais je te rappelle, celui qui a remporté le championnat l'an passé avec 87 points, là. Tu sais, c'est sans contexte aussi. Là. Déjà rendu à 38 points en 48 matchs. Ouais. Ce qui est quand même il est en voie de connaître une de ses bonnes saisons. Ouais. Parce que l'année passée, 55 points en 82. C'est un gars qui fait une vingtaine de buts. Là. Il peut être. Ça peut être un gars qui pourrait jouer avec Pacioretty. Ouais, c'est sûr qu'il serait meilleur, mais. Peut-être. Mais, tu sais, en plus, là, mettons, là, tu sais, moi, je laisse de côté là, mon demi-trancage, comme je vous ai dit tantôt. Là. Mettons là, qu'on dit, ah, le Canadien, on croit qu'ils vont faire les séries. Fait qu'il faut magasiner pour quelqu'un. Faut redresser la barre et on veut améliorer la formation. On s'entend-tu que les DG vont voir venir Bergevin à 100 000 à ronde, là? Ah, mais c'est pas la seule équipe qui est dans le trouble. Là. Les Rangers, ça va pas super bien non plus. Non, c'est vraiment Rangers, 50-50. Là. Les Rangers sont mieux équipés que le Canadien au talent brut. Là. Mais sont-ils prêts à céder des gars de talent, justement? Non, mais je dis pas le contraire. Sauf que je te dis que le prix que le Canadien va devoir payer va être gonflé, là, inévitablement. Là. Ben ça, je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Pourquoi que le prix serait plus gonflé parce que le Canadien est plus dans le trouble? Si tu y vas avec un joueur que tu dis dans le futur, il va aider plus que là, c'est pas nécessaire. Tu sais, le classement n'a plus rien à voir. Là, c'est plus aussi parce que, mettons là, tu dis le Canadien va absolument faire les séries. Il t'appelle. C'est sûr que si c'est une autre équipe qui appelle Bergevin, je veux pas. À la base, si un DG appelle un autre DG, c'est ça, on sait pas de où que ça arrive l'appel. Là. C'est ça, mais c'est sûr que si un autre DG appelle un autre DG, des fois, pas mal sûr que ça doit. Ah ouais, tu m'appelles, fait que t'as besoin de quelque chose. Bergevin, présentement, a besoin de quelque chose. Puis tu le sais, c'est en attaque. Complète, là, c'est. Ah ouais. C'est ça. Fait que... Il doit chercher pas mal, parce que dans la même heure, Deep Throat, il marque. Puis ça, c'est une affaire qu'on a déjà parlé aussi. Nous autres, on est tellement pas dans l'erreur tant que ça, nous autres. Mais Edmonton puis Canadien, les discussions n'ont jamais arrêté. Ben, tu veux qu'il y ait une connexion entre les deux clubs, là, à force d'avoir transigé aussi souvent. Il y a eu des rumeurs d'Eberle à Montréal. Il y a eu des rumeurs de Ryan Jentopkins. Est-ce que ça peut se concrétiser? On verra. Là. Moi, je suis pas convaincu que... Tu sais, qu'est-ce que les Oilers ont besoin? Ça va être de la défense? Puis nos monnaies qu'on est prêt à sacrifier, c'est Mellin puis Markov. Est-ce qu'ils les voient vraiment comme étant des améliorations à ce qu'ils ont en place? Surtout que je pense que Markov, il y a une clause là, pour pas bouger s'il veut. Ouais, t'as raison. T'as en plus, là. Mais je pense que Beaulieu est sur le marché. Puis que beaucoup de gens, qui beaucoup d'équipes qui sont intéressées à Beaulieu. Puis je pense même l'Avalanche, c'est peut-être sur Beaulieu qui se sont intéressés aussi, là. Possible. Sauf que c'est pas Beaulieu qui va nous apporter genre un espèce de gros joueur. Il faut qu'il fasse partie d'un bundle. Puis tu sais, moi je pense que ça va pas juste être Beaulieu. Ils vont sûrement appeler aussi pour faire un Sherbach pour un gros joueur. Je me souviens même pas c'était quoi. J'avais dit à un moment donné, Beaulieu, Sherbach, j'irai chercher un joueur. Je me souviens même plus c'était pour qui. C'était pas Eberle, non? Ça se peut. Je me souviens pas, mais. Il me semble que. Mais je pense que ça s'est passé sur Facebook. C'est pour ça. J'avais dit quelque chose, puis. Edmonton, ils en doivent clairement une, là, qui est une pour. Parce que ça paraît que c'est... Mais non, mais il paraît que c'est pas le move qui était supposé être. Non, à la base, c'était Eberle. Ça a l'air qu'il s'était renseigné pour Eberle. Puis la discussion était pour Eberle. Puis ça finit avec un Scrivens Cation. Ouais, un petit side là, sur le coin de la table. En passant, t'avais besoin d'un goaler. Ah, oh, j'ai besoin de Cation. OK. Puis là, ils ont jamais arrêté de se parler depuis, selon Deep Throat. Et selon Deep Throat aussi, il dit ce que mes oreilles entendent. Et là, ça me fait rire. Au début, j'ai fait « Ah! » Mais plus j'y pense, plus j'aime ça. Hartnell contre Eller. Ouais. Ben, si c'est contre Eller, oui. Man to man. Si c'est contre d'autres choses, non, là. En tout cas, c'est ça. Et le dernier tweet que j'avais noté, c'est dossier de Rouen. On en a parlé tantôt, là. Mais en tout cas, je te remets ça sur la table. Il dit, puis en plus, ça a tellement rapport avec ce que je viens de dire. OK, fin de mes parenthèses. D'après ce que l'on sait, Bergevin aurait mis Beaulieu sur le bloc pour Drouin. Ben, ça va prendre plus que Beaulieu, ça c'est sûr. Puis t'es-tu prêt à ce que Drouin ne devienne pas le joueur qui est censé, mettons, là, et que Beaulieu plus d'autres choses viennent te hanter tout le temps? Et là tu marques tellement un point. Je pense qu'il a fait une allusion à McDonough durant son point de presse qui disait que tu t'échanges un gars qui devient bon pendant 10 ans, tu l'as d'en face. Là. Ouais. Il faisait tellement allusion à McDonough. Oui, oui, oui. Puis, est-ce qu'il pense que Beaulieu, c'est McDonough tout d'un coup? Non, est-ce que non, ça non, pourrait mais... être ce genre de joueur-là, ce genre d'échange-là? Mais il a mentionné qu'il n'était pas prêt à sacrifier des prospects. Tu sais, de la profondeur de ce genre-là, tu sais, de l'avenir pour du présent. Puis ça, là-dessus, je suis d'accord, tu sais, parce que les équipes, aujourd'hui, ne se construisent plus avec des agents libres. Ça se construit par le repêchage. Puis ça, ben, reprenez les noms que j'ai nommés tantôt, là, qui sont pas capables d'accepter que le Canadien puisse manquer série pour une bonne raison. Prenez les noms des gars que je vous ai mentionnés tantôt, là. Puis c'est les mêmes qui disent que tu construis un club avec des gars qui sont agents libres. C'est plus de même. C'est plus ça, le hockey, aujourd'hui. Arrivé en 2016, les boys, ça serait le fun. Mais je comprends Bergevin de ne pas vouloir faire ça. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, tes gars, tes vétérans, puis tu sais, ces affaires-là, il faut que tu sois prêt à les sacrifier. On le disait tantôt, parfois, c'est nécessaire pour en arriver à des bonnes choses. T'sais. On parle pas d'un futur McDonald's. Là. Quand je te parle de vétérans, on parle de gars que tu sais qu'est-ce qu'ils te donnent. Puis ça cadre pas avec le portrait global de ta formation, ce que tu veux atteindre. Puis tu vas chercher une autre personne qui cadre plus avec ce que tu as besoin actuellement ou dans un futur proche. Ce que Bergevin est pas capable de faire actuellement. Non, ça se fait plus, là, des grosses transactions. Mais non, ça se fait plus. Ça se fait plus. C'est impossible. Hey, autre affaire qu'on a appris durant cette fameuse conférence de presse de Marc Bergevin, puis on n'a pas parlé jusqu'à date, là, mais finalement, Price... C'est 3-4 semaines de plus, hein? Puis même que son agent semble encore plus vague en parlant qu'il pourrait peut-être être opéré. Ouais, ben... L'agent de Price a dit ça, pas le Canadien, là. Il a dit que c'est ça, c'est au bon soin de l'équipe, puis que c'est dépendamment de... Puis... Mais moi, j'ai... Moi, je pense que ma théorie que Price, ils savent que la saison est terminée, qu'il faut qu'il le fasse opérer... mais qui veulent continuer à vendre des billets parce que Carey Price égale espoir de playoff égale espoir dans les illuminés de tête des partisans qu'il se fie sur Gaston Therrien, ça veut dire Coupe Stanley. Moi, je pense que c'est déjà terminé. Je pense que la saison, on met la clé sur la porte. Là. Puis c'est le temps, c'est comme tout le plan que j'ai dit tantôt, là, mais que le fait que Price se fasse opérer, ils vont l'annoncer juste quand ils vont le savoir mathématiquement qu'ils sont éliminés puis qu'ils peuvent plus faire vivre de l'espoir. puis vendre des tickets là-dessus, tu sais. Ce serait pas fou. Moi, je pense que c'est déjà... Dans la tête de Bergevin, il sait déjà. Puis ce pourquoi il congédie pas Terrien, d'un, il a l'appui des joueurs, fait que ça paraîtrait très mal. Et de deux, comment tu veux qu'il se défende sans son meilleur joueur? Puis ce meilleur joueur-là, il, ça se peut qu'il passe au bistouri puis sa saison est terminée, tu sais. Aussi bien attendre, en sachant que dès l'an prochain, avec Price de retour, ben tu vas avoir déjà plus de chances d'avoir du succès. Ça devrait pas être ça, par exemple. Mais je le sais, ça! Là-dessus, c'est pas un argument. Mon mais non, je le sais! Je suis d'accord avec toi. Je pense que Jeff Paulson, il est plus... ouais. Mettons qu'on va vendre pareil plus de bière, là. Parce que là, le monde a besoin de souler leur peine. En vendant de l'espoir, tu vends des tickets, tu sais, tu donnes de l'argent dans les poches de ton boss. Il doit être d'accord avec ça, là. Je suis convaincu que les deux, ils sont au courant, là. Je peux pas croire que Price se fasse pas opérer, là, puis que le Canadien gamble le fait d'attendre qu'il soit 100%. Ça, je suis d'accord là-dessus. D'attendre qu'il soit 100%, mais pas opéré, puis qu'il soit tout aussi fragile. Alors qu'une opération te permet, une fois à 100%, d'être plus fort. Pourquoi c'est un problème qui est récurrent. Pourquoi qu'ils l'ont pas opéré tout de suite au début, là? Parce on que... On serait fixé, puis son genou serait fixé, puis on aurait plus de... On se dirait, bon, il va revenir en avril. Bon, mais on oublie la saison. On sait qu'est-ce qu'on fait. On est des vendeurs. Ben, on va chercher Cam Ward. Oh non, il est blessé, lui aussi. J'aimerais être une mouche dans le bureau de Marc Bergevin. Ben, on a Deep Throat en attendant. Ouais, une chance qu'on a Deep Throat. Voyons donc. En tout cas, moi, mettons que c'est pas un gars que je considère qu'il a une bonne moyenne au bâton, là, mais peut-être. Moi, j'ai deux trucs. Deux autres sujets. Donc, si vous en avez d'autres, les boys, allez-y. Je veux garder ça peut-être pour conclure. Là. C'est pas sur le Canadien. Ah, moi non plus, j'en ai un qui est pas sur le Canadien. Moi, tout, il m'en reste un qui est pas sur le Canadien, mais c'est assez rapide. OK. Bon, Brian Burke, président des Flames de Calgary, propose d'élargir les dimensions de la patinoire. Mauvaise idée. Moi aussi, là, je considère que d'un, ben, c'est que t'enlèves une rangée de bancs minimum. Fait que des billets qui sont fucking chers, t'es vendu, ils n'existent plus. Puis ça te coûte tout le prix de modifier des arénas. Fait que ces deux affaires-là font que la Ligue nationale puis les équipes vont perdre de l'argent pour améliorer quoi? C'est flou, t'sais, fait que non. Mais je veux, t'sais, je te dis oui, t'as raison, la première rangée de bancs, elle vaut cher, mais c'est parce que dans le fond, il fait juste la repousser plus loin, là, il décale ça d'une autre rangée. Mais non, la première rangée, oui, elle vaut cher, sauf que t'enlèves une rangée. Oui, t'enlèves une rangée en bout de ligne, c'est vrai. Donc, inévitablement, t'as de l'argent de moins, là. Ben, vois ça plus comme tu perds une rangée dans le pit que tu perds une rangée sur le bord de la glace. Mettons, là, ta première rangée est à 4 pieds du sol, là. C'est un peu particulier, tu sais. Faut que tu montes tes baies vitrées, faut que tu, tu sais, pour la protection pis tout, là. C'est un drôle d'amancheur, là, d'avoir tout le monde à, t'es à hauteur de la... T'es sur le bord de la bande pis tout ce que tu vois, c'est des pieds. Ouais, ben c'est de même à Victo. Ouais, ben c'est pas beau, là. Ben, c'est non. T'sais, tu sais, toutes les photos de cartes de joueurs vont avoir des pieds, man. Ça va être malade. En tout cas, c'est moi, je trouve pas que ça fonctionne, là. Puis, dernier sujet, ça, on va peut-être avoir plus une discussion plus longue. Artemi Panarin, le fameux prospect là, des Blackhawks de Chicago, on a appris cette semaine, qui, tu sais, il défonce tout, là, il est super bon. On a appris que le Canadien était dans les finalistes. Et ce qui a fait pencher la balance pour Chicago, c'est le style de jeu et le fait de jouer et d'être assuré de jouer avec Patrick Kane. Encore une fois, le manque de talent du Canadien nous nuit pour aller chercher des bons joueurs. Hey, on a eu Jerry Sekatch, par exemple. On avait dit qu'il jouerait avec Plekanec. Ouais. Vous en pensez quoi? Vous êtes déçu ou pas? Ben, en même temps, c'est des oui-dire. Mais ça mettons, a l'air que, tu sais. Mettons qu'il vient avec Montréal. Là. Pensez-vous que Panarin a la même saison qu'il y a avec les Blackhawks? Non, il joue avec Patrick Kane. Non, mais... Il va jouer avec qui, ça? Dans la gestion que Terrien fait de ses jeunes joueurs. Alors, il va jouer 10 minutes. Probablement. Il va faire de la galerie de presse. Puis il est encore là. Il serait renvoyé dans la Ligue américaine. Puis même si c'est le deuxième meilleur attaquant d'une série morose. Il n'est pas assez responsable dans son territoire. Ah, il est pas moins que pas de rondelle. Bon, allez-y avec vos sujets. C'était les deux trucs que moi j'avais. Bon, t'as-tu allé en premier, Jerry? Ou... Ouais, mais en fait, je voulais juste. On avait parlé au dernier épisode, puis pour vrai, c'est hyper rapide. Vincent Cavalier. Ouais. Qui devait prendre. Ben, qui doit prendre sa retraite à la fin de l'année. Parce que. Il l'a dit pour se faire échanger. Se retrouve dans le fond avec les Kings de Los Angeles. Il joue environ sur le troisième trio. Doit alterner sur le quatrième. Depuis le début de la saison, il avait joué 7 matchs avec les Flyers de Philadelphie. Il y a une passe. Moins un. Il a joué 6 matchs avec les Kings. 3 buts. Une passe. 4 points. Est-ce que le gars était. Est-ce que le gars est vraiment fini? Ben, le problème, c'est qu'il a déjà dit qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Moi, je pense qu'il regrette déjà de dire ça. Là. C'est clair qu'il en regrette. Puis, 3 buts en powerplay. Ces 3 buts étaient en powerplay. Là où est-ce que t'as pas besoin de skater ben. Ce qui était pas la force de ce temps-là. Ce qui est pas la force du Canadien. Ouais, puis je dis ça de même, là. Mais... il y a plus de buts en avantage numérique que le Canadien de tout le mois de décembre. Ça, c'est pas juste 6 games. C'est, fait que, c'est une petite... est-ce qu'on le veut encore à Montréal? Non, c'est pas vrai. C'était juste moi, je l'aurais pris. Pour vrai, je l'aurais ben, pris. Moi aussi, c'est un package. Là, mettons, tu me donnes ton premier choix, puis je te débarrasse de la Cavalier. Ça aurait été bon, ça. Non, mais pour vrai... ça prend plein salaire, en plus. Honnêtement, je suis content. Bien, on s'entend, c'est juste 6 games. Il peut se planter après. Là. Mais je voulais juste dire que je suis content que sa carrière va peut-être bien se finir. Je m'en sac. Mais moi, c'est mon ancien joueur préféré. Fait que je suis content. Oui, OK, là, pour toi, là, particulièrement. Là, mais le fait que ça soit un Québécois, qu'il ait une bonne fin de carrière, je m'en sac. Il aurait été russe, je m'en fous. Je m'en sac tellement. Là. Puis là, il y a encore du monde là, à la radio tantôt. Là, puis autant je l'ai encensé, autant là, je fais comme... Ah, voyons donc. François Gagnon qui dit « Ah, elle pourrait le prendre l'an prochain à Montréal. » Pas encore. Tenez. Ouais. Mais là, tu parlais de Russe. Moi, ça m'amène à mon dernier point. Parce que j'ai entendu des journalistes parler de ça. Puis, c'est-tu logique de comparer Alex Ovechkin avec Wayne Gretzky? Plus, juste avant que vous répondiez, je vais finir mon aparté. Moi, je dirais non. Parce que Ovi, c'est un scoreur. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par comparer les deux? Parce que c'est probablement à cause des statistiques qui est arrivé, là, le 500e d'Ovechkin. OK, tout ça. Ouais. Mais tu sais, si on m'avait dit un. Celui-là qui était avec les Islanders, qui est rendu commentateur à TVA Sports. Mike Bossy. Ouais, Mike Bossy. Là, je ferais comme. Ben ouais, OK, on peut comparer, là, mais avec Gretzky. Oui, ça a été comparé avec Wayne Gretzky. Je comprends pas. Peut-être lui. Parce que c'est le meilleur joueur depuis Wayne Gretzky, selon eux. Mais moi, je serais tenté de dire non, parce qu'Ovechkin, justement, c'est un scoreur. Wayne Gretzky, c'est un fabricant de jeu. Wayne, il a proche 2000 passes en carrière, puis il a 894 buts. Ouais. Ovechkin est déjà rendu à 500 buts et un petit peu plus. Puis il a un peu moins de passes, fait que ça fait un joueur quand même assez équilibré. Wayne Gretzky, il était présent dans les moments importants. Là, je lance une grosse flèche à Ovi. Pas vraiment, tu sais, autant là, je calcule les séries et les Olympiques. Là. C'est tellement vrai. Puis Gretzky, ben, il a déjà fait 47 points juste en série. Nommez-moi un joueur des Canadiens qui a fait Attends un peu. Faut comparer époque pour époque. Là où est-ce que moi je te dis que Mike Bossy, ça serait un beau comparatif, c'est qu'à l'époque de Mike Bossy, saison après saison, il y avait en moyenne 7 à 8 joueurs qui atteignaient le plateau des 50 buts. T'sais. Tandis que Ovechkin atteint ce plateau-là quand on a de la misère à en avoir un. T'as entièrement raison. La différence entre lui et les autres versus Bossy et les autres, pour moi, est à l'avantage de Ovechkin dans cette mesure-là. Là, si on compare époque pour époque puis le nombre de buts qui est marqué époque pour époque là, par les gars, pour moi, Ovechkin, en tant que buteur, est plus dominant à son époque que Mike Bossy. Je vais me faire tirer des roches, là, mais si on compare époque pour époque, là, pour moi, il est de loin un meilleur buteur que les gars qui à qui les comparer aujourd'hui, là, Ovechkin. Puis ça, là-dessus, d'atteindre le plateau aussi rapidement dans une époque qui se marque aussi peu de buts, est clairement, je partais pour dire historique, là, mais tu sais, c'est spécial. C'est un gars qui est spécial dans cette mesure-là. Donc, ça, selon toi, sur ta théorie, on peut comparer Ovechkin à Wayne Gretzky? Ben, parce que... Époque pour époque. Ouais. Mais... C'est juste question stats, parce que c'est pas le même genre de joueur. Non, c'est ça, ça cadre pas. T'sais, si on prend style de joueur, époque pour époque, un Mike Bossy est un meilleur comparatif pour moi. Ouais, puis il y a le gabarit aussi. Ovechkin, ouais, Ovechkin, mais les plus petits, honnêtement, j'ai le feeling que c'est pas la même carrière qu'il y a. Ouais. C'est très différent. Mais est-ce que... Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu dis, mettons, le nouveau Wayne Gretzky, c'est Ovechkin, c'est un Crosby? Mais je pense pas que ce soit Connor McDavid. Ben, on sait pas encore. Ouais, on sait pas encore, là, mais je te dirais que celui qui est plus proche de ce qu'il peut amener à la game, à l'heure actuelle, c'était Crosby. Puis là, il est en train de baisser de calibre, mais à sa belle, à son, ses belles années... Déjà, on dit ça, ça n'a pas de bon sens. De Crosby, ça se ressemblait plus sur l'impact que ce gars-là pouvait avoir sur son équipe. Mais, tu sais, même si on disait meilleur joueur de tous les temps, moi, je pense que Mario Lemieux était un meilleur athlète que Wayne Gretzky. Tu sais, il était plus complet, plus. Wayne Gretzky, il avait une vision qu'il était largement supérieur à tout le monde, ce qui l'aidait à générer des points, des passes, des choses comme ça. Mais il était pas le plus rapide, il était pas, tu sais, le meilleur shot, pas le, tu sais. Mais à une certaine époque, Mario Lemieux, ben, à son pic, était clairement le meilleur athlète, là, tu sais. Ben, probablement que t'as raison. Mais, pis là, c'est parce que je te mets un mais avec un astérisque parce que je l'ai pas vu jouer parce que je suis pas assez vieux. Mais je pense que, en entendant parler beaucoup de gens, Bob Orr était ce qui se rapproche le plus du joueur de hockey parfait. Ouais. Ça, ben encore là, c'est ça, moi je l'ai pas vu. J'ai vu Gretzky, j'ai vu Lemieux à la fin de leur carrière. C'est pas les belles années. C'était maintenant. Clairement des joueurs spéciaux, mais tu sais, même Lemieux, après son cancer, il était clairement dominant. Là. La game était faite pour lui. Là. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais Bobby Orr, je pourrais pas comparer. Là. Puis même Goliath. C'est les genoux qui l'ont tué, là, lui. Ouais. Parce que s'il avait pas eu le nombre de blessures aux genoux qu'il a eu, il aurait eu une carrière. Ok, mais Bobby Orr, c'est un défenseur. Mais qui faisait toute sa glace. Il faisait attends, plus de buts que. Il y a une saison de 139 points. Ouais. 102 passes. Wow. Ok, c'est tout. Excuse. J'ai regardé sa fiche, puis je capotais un peu. Je disais, ben ouais, c'est un bon attaquant. Non, c'est un défenseur. Waouh! C'est sûr que les goalers étaient pas dans le. C'est certain que c'est pas dans les goalers de cette année, là, mais. Ouais. Waouh! Mais il faisait jamais. En tout cas, je sais pas s'il y avait 78 games dans une saison, mais on dirait qu'il faisait jamais de saison complète. Ben, sa plus grosse saison, c'est 80 matchs en 74-75. Les deux dernières, 10 games, puis 20 games. Puis en 20 games, il y avait autant de points que ben des gars des Canadiens. Hein. Non, c'est pas ça. Mais même Wayne Gretzky, là, si tu regardes ses fiches, là, c'est assez phénoménal. 215 points. Ben oui, oui. Ça, c'est sérieusement, plus jamais. C'est fini, ce temps-là. Ah non, c'est impossible. Si tu veux capoter, faut que tu checkes les stats dans le junior de Mario Lemieux. Ouais, ça va être genre 400 points par saison. Moi, je pense que ça sera 400, là, mais. Les voisins de Laval, il y a 133 buts, 149 passes, 282 points en 70 games. Ça fait rêver d'avoir un joueur là-même à Montréal, à vous, là. Non. Mais c'est le prochain gros joueur à Montréal. Ouais. Mais c'était une réflexion que j'avais l'autre jour, c'est. Tu sais, Les Oilers ont eu Gretzky et McDavid, puis les Pingouins ont eu Lemieux et Crosby. C'est les deux clubs qui ont ramassé les quatre talents les plus impressionnants des 40 dernières années. Ah, puis il y a eu Jagr aussi qui était quand même pas pire. Là. Ouais, Jagr, on l'oublie souvent, lui. Ben, on l'oublie souvent à cause de Lemieux, en fait. Là. Mais tu sais, il y a eu des bonnes années aussi, dans le temps où il était avec Washington. Pis, c'est pas la même implication sur le hockey. J'en parlais sur le dernier show. C'est que, à un moment donné, Jagr se sacrait de la game, tu sais. Imagine s'il s'était forcé tout le long pis s'il avait été dans la Ligue nationale de sa carrière, ça. Non, mais on le saura jamais. Le joueur a eu la vie qu'il a eu pis ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui, là. Un gars de 40 ans qui fourre avec des filles de 18. Ben ça, c'est un achievement quand même positif, là, je considère. Elle m'était shapé comme 19. Ah, j'avoue. Alex D. Tremblay nous demande sur notre Facebook « Qu'est-ce que vous pensez du renvoi de Daniel Carr dans les mineurs alors qu'il a produit plus que plusieurs vétérans de l'équipe? » Il vient d'être appelé aujourd'hui, ce qu'on dit en passant. Vos impressions, les gars? Ben, si on se fie à Marc Bergevin, c'est des moves comptables. Ben oui. Mais je m'aurais arrangé pour le garder. Honnêtement, non, ça, j'ai de la misère à le comprendre, en fait, parce que on s'entend que c'était clairement un de tes meilleurs attaquants, puis tu le renvoies dans la Ligue américaine. Il dit move comptable, mais la journée même, il rappelait de la rose. C'est salaire pour salaire, là. Ben, c'est sûr. Ou si tu sauves, je comprends pas. Je pense que c'est juste pour donner du temps de glace à NHL à de la rose. À part pour le montrer aux autres équipes, il y a quoi comme avantage, tu sais? À moins que Terrien mentionne à Bergevin, ouais, défensivement, on accorde trop de buts. Que je peux comprendre, mais pour moi, le problème principal, c'est on génère pas assez d'attaques, tu sais. Ben, il n'y a pas assez de présence devant le net, puis qui c'est qui t'en donne? Brendan Gallagher, puis Daniel Carr. Renvoyé, pas ça, en bas, tu sais. Puis, tu sais, je pense que à TV, je me souviens vraiment plus que j'entends ça, pour vrai. Là, c'est pas parce que je veux pas citer ma source, c'est juste que j'ai aucune idée. Le joueur qui ressemblait plus côté. La manière de jouer de Gallagher, c'était Daniel Carr, tu sais. Ouais. Puis la meilleure école pour Daniel Carr, pour apprendre à devenir un très bon joueur de hockey, c'est de jouer avec le grand club, surtout quand un joueur qui lui ressemble, c'est Brendan Gallagher. Garde-le ici, non? Il est efficace, c'est pas lui qui te coûte une game. Oui, il a peut-être ralenti dans la dernière game, ça je peux le comprendre, non? Mais c'est pas, ça n'a pas été un renvoi genre « va reprendre ta confiance en bas ». Regarde, le gars joue bien pareil, il se développe. Puis moi, c'est une de mes surprises cette année. Je vous dis Daniel Carr. Je le connaissais même pas avant son premier renvoi. Là. C'est pas une grosse saison, là, 7 points en 17 matchs. C'est pas énorme, mais vu les débats canadiens, c'est bon, là, vu la situation. Là. Ça, c'est sûr, mais c'est aussi... Moi, en fait, c'est vraiment plus... La présence qu'il apporte, il est dérangeant. Ça a l'air d'être une petite peste à la Gallagher, justement, ça glace. Puis c'est ça qu'on a de besoin. Puis, tu sais. Trentaine de points par année, si jamais tu fais une prospection là, l'année longue. Là, c'est une trentaine de points. Ben non, mais c'est pas génial, mais dans la situation. Ouais, mais on s'en fait que c'est pas un top 6. Là. Non, il n'est pas supposé être là. Ça, c'est, ben, c'est ça. Fait qu'à la base, s'il peut jouer sur le troisième ou quatrième trio, faire une trentaine de points, être gossant puis déranger l'autre équipe, bon, vive avec en tabarouette. Là. Allez voir sa fiche sur HockeyDB. Ce gars-là, ça fait carter, c'est clair. Là. Non, c'est clair. Une pire babyface que Daniel Brière, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Autre truc. Là, à un moment donné, là, ça va faire. Là, je suis tanné. Dernier show, on a retardé parce que Yann, t'as un enfant. Puis là, aujourd'hui, passe la palette par un autre nouveau papa. Là, arrête les naissances. C'est assez. William et mon Guenette, on te salue. Félicitations, toi pis ta blonde, pour le nouveau bébé Tooner. Tout beau. Encore sa garantie. On vous souhaite une belle vie de famille. On souhaite que tout se soit bien passé puis que la vie soit belle. On vous adore. Will qui nous demande, question simple, mais pas simple en même temps. Qu'est-ce qui fait que le Canadien passe de la meilleure équipe à la pire équipe de la Ligue avec comme seule différence, grosso modo, la blessure de Carey Price? Ouais, bonne question, ça. Je te dirais, c'est l'attitude. Tout ce qui a rapport à donner le deuxième effort pour aller chercher le max, puis on voit que le Canadien ne le fait pas. Les petites choses qu'on dit souvent que si tu fais pas bien les petites choses, ça marchera pas. Ben, on a un exemple. Des petites choses comme exemple Markov qui tente un jeu dans slot ou qui essaie de dégager dans le centre, ça fait partie des petites choses qui peuvent créer des revirements. Puis quand tu as une équipe qui n'a pas de confiance puis qui ne score pas, des revirements qui sont coûteux, tu as de la misère à t'en remettre. Mais tu sais, Schmidt, c'est un facteur, là, mais je pense que c'est vraiment c'est l'attitude. Là, c'est, t'as pas, ça joue dans la tête, là, le ouais. hockey, souvent. Là, je pense que c'est qui disait ça, c'est 80% mental. 30% dans la tête. Ouais, ça n'arrivait pas à 5. Je pense que c'est Jean Perron qui disait ça. Mais Markov, il faut l'excuser. Il venait de se séparer. Fait que, tu sais, d'être dans ce lot, pour lui, c'était comme awkward. Là. Mauvaise joke. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment. Bon, on va finir ça à deux, Yann, OK? Mais regarde, je jouais la game, je connais ça. Moi, je m'appelle Gilbert Delorme. Mais non. Non, respect à Gilbert Delorme, vraiment, vraiment. Non, cool. Mais pour vrai, lui, il est réaliste dans ce qu'il dit, Bamb. C'est vrai. C'est un gars à écouter ce temps-ci, c'est lui, là. Bâche Benoît Brunet à la place, bâton. Non, mais c'est parce qu'il dit souvent la même affaire, puis je voulais juste faire un clin d'œil. Mais quand t'es dans une séquence de défaite, là, c'est tellement dur, c'est tellement tough de se motiver en gang. Puis c'est que c'est vrai. C'est vrai que tu crois pas en ton goaler, tu dis bon, c'est ça, il va l'arrêter le premier, il va donner un retour, ça va rentrer, ou tu sais, ça va tout simplement rentrer sur le premier shot. Des fois, tu n'as juste pas confiance en ton goaler, c'est ça le problème. Mais je pense que là, on a confiance en notre goaler, on n'a juste pas confiance à prendre les devants. Mettons de dire, on domine l'autre équipe, on les a, là, à soir, on les tient. Là. Puis là, à un moment donné, ça nous revient dans notre tête, on se dit, attends un peu, là, on a pensé à ça, dernière game, puis on s'est fait revirer en troisième. Là, tu arrives en troisième période, l'autre équipe force un peu, là, tu es pris dans ta zone, puis tout de suite, il y a un relâchement, on fait tout croche. Fait que je pense vraiment que c'est ça jante les deux oreilles. Là. L'équipe était pareille à part Price. Hein. Ça gagnait. Mais il y a une différence que moi j'ai vu, c'est que Price, quasiment un troisième défenseur. Tu sais, sur de la relance, fait des longues passes. Il est précis ce que Condon et Scriven sont pas capables de faire, ce qui aide la relance, ce qui aide à être plus rapidement dans la zone adverse, ce qui aide à ce que la boîte que je vous parlais tantôt ne soit pas formé. Sauf que, est-ce que ça explique toute la situation? Je pense pas. Je pense comme toi, Yann, qu'il y a beaucoup de mental dans tout ça. Les tire-poids du Canadien qui ont de la misère à scorer des buts, ben, scorer des buts, c'est très mental. C'est la job des entraîneurs, c'est la job du leadership de l'équipe, capitaine Pacioretty, de changer cette mentalité-là, tu sais, de faire ce qu'il faut pour arriver à être à nouveau positif. Je pense pas que l'absence de Price seul explique la situation. Mais une bonne partie pareil quand même. Toi, Jerry? Ça ne sert à rien que je parle, vous avez tout dit. Non, mais pour vrai, je suis totalement d'accord. C'est autant psychologique que le système de jeu. C'est tout. Il y a quelque chose qui se passe. Puis le pire, c'est que, tu sais, dans le début d'année, là, comme William il pose la question, là, ça allait super bien. Là. On n'a pas un club tant différent, là. Puis même Condon, même quand Price venait de se blesser, là, Condon faisait des... Oui, la première séquence de... Ouais. C'est ça. Puis je comprends pas pourquoi que tout d'un coup, genre, mais c'est clairement psychologique. Puis toutes les games qu'on a perdues, là, quel game qu'on a scoré le premier but? Ça ressemble pas mal à aucune, presque, tu sais. Est-ce que juste les Blues, ça, on avait scoré? Je pense pas. Même pas, t'as raison. Je pense qu'il y a quasiment aucune game. Pis si oui, on s'est fait rentrer dedans tout après. Là. C'est, on dirait que... D'un, ça joue trop en périphérie. Il n'y a aucune finition dans le jeu. Puis ça, c'est un gros défaut. Puis je sais pas. Oui, il y a de l'effort dans certaines games. Pas dans toutes. Puis pas de tout le monde. Ouais, ben là, ça c'est sûr. Puis... C'est vraiment psychologique, parce que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, man, toute l'équipe au complet se met à genoux, pis c'est fini. T'sais. Sérieusement, toutes les games que je joue, c'est comme, ils se font scorer le premier but. Bah, la game est finie. En partant. Puis même, je veux dire, c'est plate d'en arriver là, mais il va falloir qu'ils changent leur manière de penser, puis faut qu'ils jouent pour gagner. Ouais. Il avait dit, je pense que c'est Michel Therrien, il avait dit, c'est pas le manque d'effort, c'est que au lieu de bien travaillé. On travaille fort pareil, mais on travaille mal. Je pense qu'on le voit souvent dans leur zone. Ils sont embouteillés bien raides. Puis tu vois, tout le monde suit la POC. Parce que, exemple, quelqu'un qui a dit, mettons un ailier, il se dit dans sa tête, là, ah, je vais quitter un peu ma position, aider mon défenseur. Le centre voit l'ailier quitter sa position. Il dit, je vais prendre la place de l'ailier. Puis ils deviennent vite fourrés. Puis t'as juste à regarder. Puis faites l'exercice d'aller voir, c'est flagrant. Là. Dans leur zone, là, regardez les têtes des joueurs des Canadiens. Là. Ils suivent toute la POC. Puis après ça, on se dit, pourquoi ils sont deuxièmes sur la POC? Mais c'est parce qu'ils checkent pas les gars, ils checkent pas le jeu où ce qui s'en va. Fait qu'il y a des gars qui se libèrent, là, la passe est dirigée à ce gars-là qui est libéré. Le gars qui était supposé le couvrir, il le couvrait pas parce qu'il regardait à POC. Mais regardez les têtes des quatre, mettons, des quatre ou les cinq joueurs dans leur zone, là. Puis checkez ça, là, c'est flagrant. Il y en a au moins trois ou quatre qui checkent juste la POC. Fait qu'on dirait là, qu'ils sont tous fourrés, là, puis ça arrive souvent dans leur zone. Là. Ils sont comme embouteillés. Là. Ouais. Je vais essayer de remarquer ça dans les prochaines games. C'est comme ils disent, ils travaillent pas. Ils travaillent, mais. Ça travaille mal, ça travaille trop pour rien des fois. On dirait qu'ils veulent trop en faire, pis ça donne absolument rien. Tu sais, comme mettons justement, je pense que c'était contre Chicago, là. Patrick Kane a scoré, là. Il était tout seul à gauche du goaler, là. Il y avait absolument personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait un défenseur qui était sur Jonathan Toews dans le coin. Puis qui c'est qui est venu s'en mêler? Nathan Beaulieu. Ah oui, ça c'était ridicule. Ça j'ai fait un bon sérieusement, exemple. Sérieusement, là, c'est n'importe quoi. Là. Je dis, Patrick Kane devant le net, c'est t'as pas le droit de faire ça. C'est impossible. C'est illégal de faire ça. Puis il l'a fait. Ouais. Ça a l'air tout facile. T'sais, ça a l'air facile pour un gars comme Kane ou Toews parce qu'ils ont de la confiance. Puis ils connaissent leurs moyens. Ils savent ce qu'ils font là, sur la glace. Là. Ils courent pas partout. Là. Non, mais c'est ça. Tu vois dans l'attitude d'un gars qui a de la confiance, il va essayer des feintes, il va prendre des shots un peu partout. Et c'est surtout ça, il va prendre des shots. Quelqu'un qui a pas confiance en son shot parce qu'il score pas, il va essayer tout. Il va tout essayer. Là. Il va shotter d'un angle impossible. Il va saboter des chances de marquer juste parce qu'il est comme trop sur le nerf ou je sais pas quoi. Fait que ça revient à tout ce qu'on dit. C'est l'attitude, c'est le mental. Là. Ouais. Ah, c'est compliqué pour le Canadien de Montréal, tellement compliqué que un club dont on riait depuis le début de la saison, les Hurricanes de Caroline, ont maintenant, ce soir, autant de points que le Canadien à 50. Ouais. Je parlais tantôt de Pittsburgh. Pittsburgh a devancé le Canadien grâce à une victoire contre Philadelphie en temps réglementaire. Rendu à 51 points. Donc, il y a trois équipes à 50. T'as Pittsburgh à 51. Les trois équipes, Montréal, Ottawa, Caroline. T'as Philadelphie qui est à 48, donc pourrait rattraper le Canadien. Pittsburgh est devant. New Jersey, Boston, 51 pour Pittsburgh, 53 pour Boston et New Jersey. Fait que le Canadien, là, même sans jouer, continue à s'écrouler au classement. Je veux qu'on se pose une dernière question, les gars, avant de s'en aller. Je vous donne la job de DG, là, maintenant, pour le Canadien de Montréal. Que faites-vous? C'est quoi votre plan d'ici la fin de la saison? Yann? Ben, on en a parlé un peu, là. Moi, j'ai donné ma stratégie, donc, tu sais, je me poserai pas cette question-là, mais je veux savoir vous autres. Qu'est-ce que vous priorisez comme avenue? Ben, je pense un peu comme toi. Mais tu sais, j'essaierais d'y aller avec de la jeunesse, là, donner un peu plus de chance à des jeunes, puis tasser ce qui n'a pas rapport. Tu sais, Fleischmann, on l'aime bien, hein, mais il vole la place, il vole du temps de glace à Daniel Carr. C'est le genre de choses que je voudrais enlever. Puis j'essaierais d'aller chercher des vétérans. Tu sais, on a parlé tantôt d'Heller pour Hartnell. J'essaierais des trucs de même juste pour mieux encadrer, puis mieux protéger aussi les jeunes que je veux développer. C'est que ça devient un heureux problème si t'as trop de jeunes qui se développent trop bien aussi. Ouais. Tu deviens avec des joueurs intéressants pour d'autres équipes. Là, tu peux faire des moves l'année prochaine. Oui. Mais cette année, j'essaierai d'y aller avec qu'est-ce que j'ai, puis je ferais pas trop de mouvements. T'sais, Drouin, est-ce que c'est possible? Ouais, mais tu sais, je serais peut-être plus tenté d'aller chercher un gars comme Kirby Reichel que Jonathan Drouin. Hein. Mais je sais pas. J'irais. Je serais bien momoun dans mes moves, honnêtement. J'irai avec qu'est-ce que j'ai sous la main. Puis advienne que pour. Donc, vendeur? Ouais, plus vendeur qu'acheteur. OK. Jerry? Moi, tout, je suis vendeur, mais pour des jeunes prospects. je donnerais du stock pour eux. Genre, les gros. Ben, c'est un peu comme vous autres, dans le fond. Là. Mais Markov, ben, beau que tu sois loyal, que tu as toujours joué pour Montréal, ben, ciao, bye, man. Essaye de gagner une Coupe Stanley ailleurs. Plekanec, même chose. J'essaierais de refiler ça à un DG Cave. Je serais vendeur, mais j'essaierais d'aller me chercher des jeunes qui ont fait un peu leur place. Mais qui se. Tu sais, un peu à la Nugent Tompkins, là. Puis, hey, sérieusement, là. Je me serrais peut-être même à Kyakupov. Tu sais, des jeunes qui peuvent compléter, qui peuvent se relancer ailleurs. Puis. Tu sais, ça, j'irais pas me chercher des gros vétérans comme en fin de carrière, comme qui font tout le temps, mettons. Hein. Mm-hmm. Mais, tu sais, comme le trade de Heller Hartnell, moi, je le fais tout de suite. Hein. Je m'arrangerais juste pour changer vraiment le visage de l'équipe puis la rendre plus performante. Hein. Carrément. Donc, à 3 pour cette même stratégie-là, les auditeurs, vous voyez que l'équipe de hors-jeu est diamétralement opposée à ce que, genre, l'antichambre te dit. Fait que prends le bord que tu veux, mais ça marche pas. C'est l'antichambre ou c'est nous autres. C'est l'un ou l'autre. Mais si vous êtes d'accord ou pas avec notre façon de voir, on veut le savoir. Et pour nous le dire, pour nous le mentionner, ben c'est possible via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, @hors-jeu podcast. Nous sommes aussi sur Facebook. Vous cherchez hors-jeu. Tout dans un pain, tout dans un mot, podcast. Là-dessus, il y a de plus en plus de monde qui jase avec nous autres et on apprécie énormément. Et ça risque d'augmenter encore parce que grâce à Yann, on a été plus brillants. Fait qu'on a associé notre compte Facebook et Twitter ensemble. Fait que ça va permettre à la page Twitter, au compte Twitter, d'être plus vivant tout d'un coup. Puis le fait que j'ai retrouvé le mot de passe, ça aide. Mais ça, je l'ai retrouvé. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon, je suis transparent. Vous voyez, quand on fait des bonnes shots, on le dit. Quand on est cave, on le dit. On est du vrai monde, nous autres aussi. Donc, on est transparent. Fait qu'on veut savoir ce que vous en pensez. Vous voulez me jaser à moi particulièrement, ben je suis sur Twitter, @gangj_b. Sinon, sur Facebook, JB Gagné. Mais aussi, mes collaborateurs sont sur Facebook et les réseaux sociaux. Yann, où est-ce qu'on t'a rejoint? Sur Twitter, à Yann of the Well. Ou sinon, gars, j'ai le goût de me gâter. S'il y en a qui ont un Xbox One et qui ont le goût de jouer en ligne, peu importe quel jeu, même voir NHL 16, je vous donne mon gamer tag. C'est Y4NNIX. Donc, ça fait comme Yannix, là, mais stylé. Ajoutez-moi, c'est bien cool. Hey, va falloir que je t'ajoute. Ben oui. Hey, comment ça c'est qu'on. Ben oui, on est pas. Voyons. C'est que se passe. Jerry, ton bord. De mon côté, d'autres projets. Il y a les geeks qui sont parmi nous. Un autre podcast sur plein de trucs de geeks, jeux vidéo, BD, puis tout ce que tu veux, dans le fond. Sinon, en tant que tel, sur Facebook, je suis trouvable, comme JB a dit, Jerry Godbout. Sur Twitter, @godbout25. Puis je vais me gâter, Moutou aussi. Gamer Tag, Xbox One, ça vous tente. Petite game d'NHL, Moutou. C'est Godbout 025. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un sur sa planète qui a pris Godbout 25. Ben oui, hein, voyons donc. c'est troublant. Voyons donc. Et, ben moi aussi, mon gamer tag, cherchez GangJB. Mais soit avec underscore ou pas d'underscore entre le J et le B, là, je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est l'une ou l'autre. Fait que GangJB sur Xbox One aussi. On va aller te chercher direct là. Ouais, je suis sur le live en ce moment. Fais ça, là. Le Godbout 025, toi, ton gamer tag, là, ton image, t'as une espèce d'œil. Ouais, c'est en plein, ça. OK, bon, on va signaler ou bloquer. Non! Voilà. Sinon, moi, je suis sur un autre projet aussi, un autre podcast, Réalité Augmentée, un show où est-ce qu'on jase de jeux vidéo, de cinéma beaucoup et éventuellement de techno aussi. On va essayer de plus explorer cette facette-là avec le temps. Là-dessus, je suis avec mes comparses Jerry. Et pas Jerry, mais Daniel et Luc. Je t'aime tellement, chaud. Jerry, que je t'embarque dans mes autres projets sans t'avertir. Puis Yann, toi, on peut te retrouver sur On n'a pas honte aussi. Es-tu sur la nouvelle monture du show de char de Luc? Non, je suis pas là-dessus. Non? Il fait ça tout seul avec Marc Bouchard? Ben, je sais pas. Peut-être qu'il y a plus de collaborateurs. Sacripant. Mais non, oui, moi, j'ai donné. T'as donné. Non, je suis juste allé là pour le fun, parler de véhicules en route. C'était vraiment cool. Puis On a fait le tour, par exemple. Ça te fait plus de temps pour nous autres. Fait que, mettons que c'est un mal pour un bien, hein, quand même. Ben oui, non, c'est vraiment cool. J'aime bien ça, faire du podcast. Yes! Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour pour l'édition de cette semaine de Hors-jeu. On se repogne une autre fois. On sait pas quand, mais c'est clair qu'on se repogne d'ici peu. Merci les auditeurs d'avoir été du rendez-vous, c'est toujours aussi cool. Venez nous jaser, on apprécie ça énormément. Mettez-nous des étoiles sur iTunes, des commentaires aussi, c'est une autre façon de vous, pour vous, de nous démontrer votre appréciation du show. Et ben merci Yann. Ça fait plaisir. Merci Jerry. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Salut.